Ah, c'est un boulot, faut le faire. Ou... voilà, c'est ça. Bon. Très bien. Bon. Et toi, c'est vraiment, toi, c'est pareil. J'ai pas grand-chose, j'avoue. Je vais un petit peu piffer toute ma vie. Bon, on a les meubles, on a les bons becs, on a les bières. On peut y aller. Oui. Oui. Eh ben, très bien, c'est ça. Attends, j'ai essayé de la faire en présentateur radio. Allez, vas-y. Bonsoir et bienvenue dans le 13e épisode de Road to Hellfest saison 2. Ça fait plus très littéraire là. Ah bon, bon ah, fait, d'accord. Présentateur littéraire. Bah, il me faudrait une. Attends. Bonsoir. Tu veux quoi, le présentateur radio moderne, toi? Genre le mec. Le mec, bonsoir. Radio métal. Il y a quoi? Oh merde. La vieille faiblesse de merde. C'était un bonbon, donc ça, ouais, ça pesait rien. Non, je suis. Et j'ai failli dire un nombre de grammes, mais j'en avais pas, donc j'ai rien dit. Ouais. Non, mais tu vois, genre le. Ouais, bienvenue dans Road to Hellfest, saison 2, épisode 13, et on est avec vous, les petits loups. Un truc comme ça. Ouais, non, là, ça fait trop. Bah alors, vas-y, comment tu l'aurais fait, toi? Comment je l'aurais fait? Ouais. Ah putain, bonne question. Je te la pose, mec. Salut à tous, déjà, premièrement. Et bienvenue à cet épisode numéro 13 de Road to Hellfest. Putain, en plus, c'est en duo, je trouve. Ouais, que c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que, on finit bien. Est-ce qu'on commence bien? Ça, je ne sais pas. C'est ça. Donc, au programme cette semaine, pas grand chose. Et j'ai un fil et je le suis même pas. Hey très con, pas trop loin du. À ta tienne. Enfin, à ta tienne. Alors, spoiler, c'est pas notre premier verre. Voilà. Ouais. Advienne que pourra. Donc, alors, on y va. Point d'interrogation, c'est fait. Ouais. Trinquage, c'est fait. C'est fait. Alors, cette petite semaine. Pourquoi on commencerait pas par toi? C'est vrai. Alors, cette petite semaine. Alors, écoute. Le lendemain du podcast, j'ai eu une journée un peu de merde. Je ne travaillais pas. Jusque-là, ça allait. Je me suis dit que je vais pouvoir profiter, me poser un brin. Et v'là, t'y pas qu'on m'appelle pour venir récupérer un enfant malade. Oh, super. Et que le soir, c'est l'autre enfant malade qui s'est mis à vomir. Bravo. Et du coup, la soirée, la nuit qui suivait, c'est dire... Ah, mais bon, il n'y a eu qu'un petit vomi, donc ça a été. Ah ouais? Oui, ah soft. Ouais, ça va. Mais bon, c'était... Non, en dehors de ça, grosse soirée hier soir, ouais. Avec la sortie de la version arcade édition de Street Fighter V. Hein, donc, laisse-moi te dire que je m'en suis donné à cœur joie. C'était chez Tony? Non, même pas. On l'a fait à la maison. Enfin, lui, il a pas fini de la télécharger. Hein, donc, d'accord. Moi, j'ai quand même patienté 1h30 à la maison avant qu'elle arrive. Et... Ouais. Enfin bref, c'était très sympa. Ouais. J'aime bien ça. Bah, voilà. Et du coup, non, bah c'est après, c'était très calme hein, le reste de la semaine. Pas grand-chose. Attends, je réfléchis. Non, vraiment rien de spécial. Non. Je crois pas. Si, petite... Ah. Mais j'en parlerai après de ça. Et l'autre truc, c'est... Donc, j'ai acheté le Rockard de la semaine dernière. Ouais. Je l'ai pas ouvert. Ah oui, non, d'accord. Non. En fait, j'avais prévu le truc, genre vraiment, de me mettre dans un fauteuil. Bon, je fume pas, mais j'aurais pris un... Pipe. J'aurais pris un verre de cognac. Voilà, tout ça. Et tu sais, genre, je fais tourner le verre pendant que je dis oh, quelle news exaltante. Et en fait, j'ai pas trouvé le temps. Merde. Et j'ai pas envie que ça se termine comme tous les autres, à se lire aux chiottes, tout ça. Oui, voilà. J'ai pas envie de ça. Par terre. J'ai envie de lui donner autre chose. Bah ouais, quand même. Donc, bref, voilà, je l'ai pas encore du tout lu, mais je suppose qu'il est formidable. J'ai même pas accroché le poster, moi. Non, mais c'est une semaine un peu en demi-teinte. Ah ouais, mais totalement. J'ai mal bossé. Et pourtant, dès que je suis rentré mercredi soir, j'ai commencé à préparer et tout, et. Voilà. En fait, bah ouais. J'ai merdé. 15 jours, c'était pas mal, en fait, pour avoir du temps pour préparer. C'est ça. Et vous-même, alors, jeune homme? Oh bah, moi, calme, hein, tranquillou-bilou. Comme dirait. Des gens qui disent ça. Voilà, c'est ça. Si j'ai installé une VMC tiens, dans ma salle de bain. Ah, carrément, tu l'installes toi-même. Ouais, ouais. Mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on n'en avait pas. Non, oui. D'accord, mais pourquoi toi tu l'installes? C'est un arrangement locataire, propriétaire. Totalement. Très, très bien. Donc voilà. Cool. Et alors, est-ce que ça vous a changé la vie? Eh bah, ça change la vie, hein, c'est clair. Surtout de la salle de bain. Bah, surtout de la salle de bain, ouais. Cool. Ah, ouais. Bon, donc, mais en dehors de ça, rien de spécial, hein. On m'a demandé beaucoup d'infos. Est-ce que tu as avancé dans GTA 5? C'est qui demande ça? C'est toi-même? Et oh, on a des auditeurs. Non, j'ai pas avancé. Je t'ai envoyé les chiffres, ils étaient plutôt bons. Où est-ce que j'en suis là? Trevor est revenu. Oh le bâtard, t'en es au meilleur moment. Ah. Excellent. Des nouvelles de l'auto? L'auto, non, bah je gagne toujours pas. C'est pas faute de jouer, mais. Ah! Oh non! C'est très très drôle. Des nouvelles de ton automobile peut-être? Ah. Non, pas, quasiment pas en fait. Quasiment pas. Non, c'est le calme plat. L'encéphalo et. Ah oui? Ah, ouais. Personne veut déclarer l'heure de décès? Non, non, non. Oh, allez. C'est un médecin légiste, tout ça. Pas de. Est-ce que tu as pensé au vélo? Bah, j'ai pensé au poney. Je pensais à un petit Shetland. Ouais. C'est petit, ça fait des petites crottes. C'est vrai. Après, c'est pas. Ouais. Voilà. Ou sinon, t'as un chien qui sert à rien. Ouais, mais justement, je préfère qu'il serve à rien. Très bien. Ok. C'était bon. Intéressant, tout ça. C'était très intéressant. Et pour ceux que ça intéresse, je n'ai rien fait sur le pot de ma voiture qui fait du bruit. Je m'en occupe pas et j'ai rendez-vous. Ah oui, et j'ai rendez-vous potentiellement au contrôle technique la semaine prochaine. J'ai envie de le piffer. Ouais. Pourquoi pas? Okay. Ça peut peut-être marcher. Alors, est-ce que cette semaine, il y a eu des news du festival? Mais oui, grand Dieu! Oh, dis donc. Mardi matin, c'est-à-dire hier, le festival a posté un petit bilan. L'as-tu vu, mon très cher Bob? Sur le recyclage des déchets? Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste parce que tu pouvais pas faire genre, bah non, de quoi tu veux me parler? Ah, pardon. Non, non, je dis, non, je rigole, voilà. Je rigole. Ah, tu l'as vu? Est-ce que tu l'as lu? J'ai vu qu'ils avaient recyclé à 57%, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Alors, je peux te lire, j'ai quelques lignes, parce qu'il faut bien, du coup on n'a rien d'autre. Alors que la nouvelle édition du festival s'annonce, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons, festivaliers et équipes bénévoles et salariés unis, dépassé les 57% de déchets valorisés sur l'édition 2017, réunissant désormais plus de 500 bénévoles, blablabla, du mercredi midi au dimanche soir, puis 180, on s'en fout, d'une vanne, on s'en fout, d'accord, on a collecté et trié 44,54 tonnes de verre, 30,54 tonnes de carton, 9,96 tonnes d'emballage et 11,54 tonnes de bois, ainsi que 92,94 tonnes de déchets issus du compost et des toilettes sèches valorisées sur le site de Cholet. Donc, après, la news continuait en expliquant aussi que l'intérêt pour eux de faire ça, enfin, non, l'intérêt pour les festivaliers de faire ça, c'est aussi qu'on peut gagner des passes pour l'année suivante, voilà. Ainsi que d'autres cadeaux comme des t-shirts, des sweats et tout ça. Donc, c'est toujours. Déjà, c'est toujours une très bonne démarche de ne pas juste être des gros porcs. Enfin, ce serait pas mal. Déjà. Ouais. Et ensuite, c'est toujours bien de voir que, bah, ils arrivent à. En fait, il faut se féliciter de ça et j'ai envie quelque part qu'on se félicite. Bravo. Moi, je pense que. C'est un peu grâce à vous. C'est un peu grâce à nous, mais c'est surtout grâce à vous. Ouais. Enfin, aux gens qui ont fait ça. Ah ouais, à eux. Quoi. Bah voilà. Et puis un peu à nous aussi. Parce qu'eux, ils ont mis ça en place, ils ont eu l'idée. Et puis c'est bien de responsabiliser les gens. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce qui. Je sais pas où je vais. Voilà. En tout cas, c'était la news de la semaine. Que... Du Hellfest, hein, bien sûr. Oui, la news du Hellfest. Donc on peut clairement dire que. Bah, fou, ils sont pas avares, hein, parce que je peux te dire que la dernière news c'était quoi? C'était l'affiche. Ouais, quasiment, ouais. Bah si, il y avait le prix littéraire. Voilà, la semaine dernière, le prix. Voilà. Bon, une par semaine. C'est bien. C'est pas mal. Moi j'ai rien à demander de plus. Ouais. Donc on va passer à d'autres news dans le monde de la musique musicale. Ça me fait des rires. Oui, parce que je l'ai mis deux fois. Ouais. C'est musique et musicale. Tout à fait. C'est la même racine. En plus. Ouais. Ouais. J'aime bien. Je suis plus Baudelaire. Moi. Machine Head a sorti un nouveau single le vendredi 12 janvier, à savoir Bastard. On en parle tout de suite après la pub. Pub. Bon, comme on n'a pas de sponsor, voilà, on n'a pas de pub. Ouais. Donc, ton avis, Bob, sur ce single? Étrange. Je m'ai surpris à deux fois, quand même. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire tu l'as écouté deux fois? Non, non, non. Ah, tu as réfléchi deux fois? Je ne l'ai pas écouté, d'ailleurs. Je trouve ça étrange, c'est tout. C'est mon point de vue. Je trouve ça bizarre. Mais tu l'as écouté? Enfin, je l'ai écouté. Bah, heureusement. J'arrive. Non, mais parce que ça peut passer. Hein. Donc... Ouais, je l'ai écouté. Bizarre, cette façon de chanter, je sais pas trop. Mais, ça monte. Alors, moi, j'ai noté C'est pas faux. Il chante et il parle juste à chaque fois. Ouais. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté. D'accord, voilà. Mm. Et ben, c'est à peu près tout. Hein. Et puis la montée, comme tu dis, elle est bien parce que jamais elle... Elle monte. Enfin, jamais elle explose, par exemple. Voilà. Elle monte. Voilà. Voilà. Et puis elle reste un moment sur une espèce de vallée plate. Il y a VS Webzine, que je suis sur Facebook, ouais, qui a marqué... Combien de temps avez-vous tenu la nouvelle chanson Machinette? Moi, perso, 1,27 ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Ça m'avait fait beaucoup rire. Ouais. Moi, perso, j'ai pas... Ouais. J'ai pas kiffé. Parce qu'en fait, alors, je suis toujours pour les groupes qui tentent quelque chose. Mais je sais pas, en fait, là, ils ont tenté un truc qui était... C'était peut-être trop, en fait. Il n'y avait pas de prémisse de ça. Donc, j'étais un peu surpris. Et, mis à part le fait que ça sonne pas Machinette, bon, après, ça... Ça peut... Oui, bah après, voilà. C'est pas ça. Mais en fait, moi, le souci que j'avais, c'est que je trouvais que la petite mélodie derrière, elle me faisait penser à une chanson de Guns N' Roses. C'est le... Ouais. Ça me faisait penser à ça, le truc que t'as en fond sonore. Ouais, ouais. Et comme derrière, il faisait que de parler et de chanter, je me suis dit, il y a un problème, quoi. Enfin, ouais. Du coup, je la trouve pas ouf. Et si on part en se souvenant que la première chanson, tout le monde a dit oh, c'est un plagiat de machin, la deuxième chanson était bien mais pas dingue, et que celle-là elle laisse encore un peu plus froid, ben, je suis moins pressé de voir l'album en fait. Bah, du coup, ouais. Mais, et donc, du coup, nous avons trois places pour Machinette à vendre. Machinette à Rouen. Au 106. Ah, eh. Parlons de Rouen d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui nous a fait un petit coup de Trafalgar. Ah, bah alors là, dis donc. Hein, hein. On croit compter sur des amis, des frères. C'est ça. Des frères de podcast et des frères de métal. Ouais. Et là, on tombe de haut. Autant dire que la déception fut grande. Surtout, est-ce que tu crois pas qu'il a décidé de finir 2017 et de commencer 2018 de la même manière? Ouais, Carpenter Brut, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai, ça. Ah, j'ai pas été voir Génome. Ouais. Ouais, c'est de toi qu'on parle, Nico. Mais tu sais très bien que c'est de toi qu'on parle. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Genre, t'as pas été dispo? Mais fallait le dire, dans ce cas-là, nous, on serait venus. Alors, on n'aurait pas été dispo. C'était prévu, en fait. Que si Nico n'y allait pas, on y allait. Mais bah voilà, et il nous a pas prévu. Donc, nous, on attendait. Et moi, j'étais perso derrière. J'étais prêt, quoi. Bah ouais. Bon, puis, on attendait, on avait le sac sur le dos, on attendait ses nouvelles. Et rien. On avait les clés de la voiture dans la main. Exactement, prêt à partir. On était plus en train de... Bon, quelle voiture on prend? La tienne? La mienne? Bah, la mienne, elle est en panne. Bon, bah, donc, bah voilà. Du coup, on prend la mienne. La mienne, elle va pas faire la route. Bon, bah, écoute. Donc, bref, non, alors, trêve de plaisanterie. C'est juste dommage, Nico, que t'aies loupé le meilleur groupe de Saint-Lô. Je me mouille pas. Seul. Je me mouille pas trop. Bon, ça va. Et bah ouais, non, c'est dommage parce qu'on n'aurait pas pu se voir. C'est ça, j'aurais vu quand il était pas. Quand je suis à cracher. Ça fait un lien. C'est vrai yeah. Parce qu'en fait, t'aurais très bien pu être le comment on appelle ça le mec de Rouen. Ouais, le correspondant. Envoyé spécial. Ouais, voilà. De Road to Hellfest 3. Tu serais un petit peu notre branche rouennaise. Bah ouais. Et il tient qu'à toi d'aller dans la cour des grands. J'ai entendu ton petit truc là, entre potes ou entre pods. J'ai pas compris, il y a un jeu de mots, je crois, enfin, je suis pas sûr. Ah, t'es vache. Non, c'est vrai, je trouve très très bien ce moment en plus. Mais bon, tu peux rester à ce niveau-là ou aller un peu plus haut. Voilà, un peu plus près des étoiles. Quand c'est même. Toi qui vois avec qui tu veux voler. Avec le phénix ou. Avec le pigeon. Tu crois qu'ils vont le voir qu'on n'a rien à dire? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je vais me griller. Bon, très bien. Donc, ce nouveau single de Machinette, c'est non. Hein. Même voilà. S'il n'est pas désagréable. Je lui mettrai trois carottes dans ma, c'est un... dans ma cagette. Hein. Je lui mettrai deux poneys, vu que tu as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Pas plus. Avatar a sorti son septième album, à savoir Avatar Country. Vendredi 12 janvier, le même jour que le single de Machinette. Donc, comme on a des vrais problèmes dans Road to Hellfest au niveau. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire que je suis à peu près à 15 minutes d'un disquaire. Mais comme j'y arrive pas, je l'ai commandé sur Amazon parce que j'arrivais pas à trouver le temps pour y aller. Du coup, je l'ai eu que samedi matin. Depuis, il est dans ma voiture. Alors, le point négatif. C'est qu'il a fait le tour sans que je m'en rende compte. Il est court. Hein. Ah, bah, c'est... Alors, tu l'as écouté un petit peu, toi ? Bah, je l'ai écouté ah, bah, attends, ce week-end. Bah, on va... attends, donc, bah, je finis. Il a fait le tour dans ma voiture sans que je m'en rende compte, et je me suis juste arrêté au single que je connaissais déjà, en fait. Parce que j'ai même passé des chansons, parce que je trouvais qu'il y avait trop de musique à un moment donné, et pas de paroles, et trop d'interludes, un peu. Et en fait, c'est juste après que je me suis dit, ouais, en fait, c'est un album concept, faut que je l'écoute une fois en entier, en étant posé. Dans la voiture, c'est pas un bon album à écouter. Non. Du coup, mon avis est pas encore arrêté, mais j'ai rien entendu de ouf. Je te conseille, tu l'écoutes en lisant le rocard, en fumant la pipe et en buvant. Mais c'est ce que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire. Par contre, j'ai trouvé quand même qu'il démarrait pas. Enfin, il démarrait pas très bien. Il m'a pas du tout donné envie de. Enfin, il m'a pas mis dedans quand je l'ai écouté au début. Eh ben, tout pareil. Il y a juste les singles qui m'ont arrêté. Et il y a bien une chanson un peu plus loin qui m'a interpellé, mais ça chantait jamais. J'ai dit, mais il va jamais chanter ou quoi là? Et en fait, j'ai pas donc c'est un album concept, donc forcément, il y a un concept. Mais ouais. Du coup, je suis pas rentré dedans du tout. Donc, je vais plus m'y atteler dans les jours à venir. Voilà. Donc, quelque chose d'autre à dire dessus ou... Non, ouais, bah, mis à part que je l'ai trouvé court. Mais j'ai pas tout accroché. Déjà... King Wants You, j'avais pas trop accroché. Ah bon ? Ouais. Le premier plus, enfin le premier titre qu'ils avaient sorti plus. Mais c'est vrai que maintenant, il faudrait que je le réécoute, ouais, comme tu dis. Mais là, c'est vrai qu'on était plus sur l'apéro. Aïe, aïe, aïe, c'est fait. On discute, machin, donc c'est sûr. Mais par contre, je trouve vraiment que c'est les deux singles qui ressortent quand même, malgré tout. Ouais. Moi, c'est vraiment, ou alors c'est vraiment parce que je les connaissais. Non, que... je pense qu'il y a certainement d'autres titres qui peuvent ressortir aussi, mais après... Faut que tu écoutes plus posé, tout simplement. Ouais, je pense. Donc, on va pas cracher dessus. Hein, mais on lui met à Bastard plus. Oui, voilà. Pas non plus. Ouais. J'aimerais revenir sur ta recommandation de la semaine dernière, à savoir Legend of the Seagullmen avec Brent Hind de Mastodon et Danny Carey de Tool. Mais le batteur et non le chanteur, le batteur, ça le c'est chanteur. Bon, ça arrive. Mais je ne savais même plus ce que mais je... ce que tu disais, ce que tu voulais dire. Ce que je dire. Vivais, de toute façon. C'est vrai, tout c'est vrai. C'était une semaine c'est difficile. Ce que je vivais la semaine dernière. Mais je suis pas sûr. Hein. Moi, je pense que tu étais trop préoccupé par ta voiture et que ça... Oh non, c'était bien d'autres choses. Oh merde. Cette fameuse douleur qui n'est jamais partie. C'est ça. Cette protubérance. Ce manque. Tout à fait. Le moignon, c'est pas pareil. Mais m'en parle pas, je suis actuellement victime du syndrome du membre fantôme. Oui, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et ceux que je me suis rasé. Voilà. Donc je n'ai plus de bouc longitudinal. Donc vous ne pouvez plus me reconnaître pour ceux qui ignoraient à quoi je ressemble. Voilà. Ce qui n'a strictement pas, en fait, de, pas sens. De sens. Oui, mais du coup, maintenant ils pourraient nous confondre. Parce que c'est toi qui as le bouc. Ah ouais, j'ai la barbe carrément. Mais oui, mais t'as le bouc long. Ah, j'ai le bouc long, ouais. Ouais, et ça... Et les bouclettes. Non, fallait pas la faire. Tu sais, je me suis dit... C'est pour ça que je l'ai fait entendre. Ouais, non, mais j'ai dit... Ah, non, non. Moi, je pense qu'ils n'ont pas entendu. Non. Qui écoute de toute manière. Voilà, c'est ça. Donc, ce super groupe dont tu as parlé la semaine dernière, j'ai apparemment dit que tu n'avais pas trop aimé. Et toi, tu as été revenu dessus en disant que... Mais c'est pas ça que j'ai dit. Ouais, c'est vrai, c'est pas ça que j'ai dit. Et du coup, t'étais un petit peu plus nuancier. C'est un truc où il y a plusieurs couleurs. Ouais, c'est ça, pour les peintures. Voilà. Et t'avais l'air de... Enfin, tu disais plutôt, je demande à plus écouter. C'était... Voilà. Est-ce que ça. Ce son a quelque chose près tes mots? Ouais. Est-ce que tu as réécouté? En moins bien, mais... j'ai réécouté. Non, j'ai pas réécouté. Ah, génial, le mec il dit des. Je ne prends pas le temps d'écouter. Faut que je me pose pour écouter de la musique. Ou alors dans la bagnole, mais je n'ai plus ma bagnole. Ah ouais. Eh hey, ouais. Tu... c'est la bagnole du taf. Alors tu vois, c'est pas évident. Il y a pas de lecteur CD dedans. Si, il y a un lecteur CD, mais tout le monde prend le véhicule. Beaucoup de gens prennent le véhicule. Donc du coup, si j'oublie le CD, tu vois. Un CD. Voilà, c'est d'accord. Ça. Après, donc bon. Je préfère écouter Nostalgie. Ouais, je sais. Ouais. Ah, non, je ne te juge pas. Tu vois pas la souffrance. Ah, mais je ne te juge pas, ouais. J'évite de te regarder. Mais t'as pas à me juger, je souffre. C'est vrai. Tous les jours, je souffre. C'est vrai. Je me lève le matin, je souffre. Le soir, je souffre. Pareil. J'allume ma feu à la cheminée, je souffre. Pareil. Pétard. Ok, ouais. Donc le... Alors moi, personnellement, par contre, j'avais bien aimé ce que j'ai écouté. Ça, en fait, ça me... c'est des ambiances que j'aime bien. C'est pas très dansant. Mais... mais en tout cas, c'est un groupe qui est étonnamment apparu énormément sur mes différents réseaux depuis une semaine, en fait. Ah ouais? Alors, est-ce que c'est parce que j'ai liké la page et que du coup j'ai plus de trucs, mais je l'ai reçu aussi en mail, c'est les mails que je reçois, machin. Ouais. Et du coup, ils vont sortir leur premier album le 9 février. Cool. Un album de 8 titres. Et il faut savoir que le 9 février, c'est dans moins d'un mois. Eh bah ouais. Du coup. Et... ouais, ouais. C'est parce que c'est ce que j'ai marqué. Mmh, ouais. Donc j'aime bien. Ouais. Non, mais je sais. Mmh, c'est ça. Et il y a déjà. Ça veut dire qu'il faut que je me bouge le cul, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Ouais. Parce que par contre, il y a déjà 3 titres écoutables: The Deep Sea Diver, Shipwreck et The Fogger. Exact. Je pense que tout ça a un rapport avec la mer. Ah ouais? Quasi-quasi. Mmh. Ou la campagne anglaise. Je les mets souvent dans les mêmes. Beaucoup. Oui? Oui. Et est-ce que tu les ranges sur ton étagère à bocaux? Exactement. Cool. Et c'est rangé par thématique. Tout à fait. Étrange, bizarre, anglais et mer. Voilà. Je comprends. Oh, je fais pareil avec mes sandales. Et je... t'en remercie. Allez, je vais prendre un petit bonbon parce qu'ils sont bons. Et, et puis qu'on en a pas grand-chose à faire. Façon. En plus, ils sont multicolores. Donc, ouais. Multi. Alors, tiens, meuble un petit peu parce que j'ai pas envie de dire la prochaine news. Ouais, bah attends, je vais boire une gorgée, bah tiens. Ah bah, écoute, c'est cool. L'autre, hein. Je fais une petite incartade. Incartade? Comment tu dirais, toi? Incartade ou incartade? Eh ben, ou tiens. Deux cartades? Ouais. Du coup. Ouais. Ah, je fais une petite deux cartades. C'est de plus en plus lourd, d'ailleurs. Blague de parents. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais les scolioses, tout ça, on s'en fout, on n'en parle pas. Hein. Il n'y a pas de podcast là-dessus. Ah, bah, c'est ça. Hein, spécial scoliose. Bon, je suis une petite... faut que je sache. Entre parenthèses. Non, alors, meuble. Oh non, attends, qu'est-ce que tu veux que je raconte, moi? Une incartade. Une incartade. Attends, il y a une définition. J'ai pas le temps de meubler. Hein? Oui, qui s'incarte du chemin. Non, c'est ça. Bah, propos considérés comme extravagants. Oh, bah, c'est tout toi, ça. Moi, j'incarte vachement souvent. Bah, ouais. Bon. Je fais une petite. J'aurais un petit propos considéré comme extravagant. Ah. Je t'en ai fait la recommandation hors podcast, mais je voudrais la faire aussi aux gens. Regardez The Jinx. C'est un très bon documentaire. Vous allez voir, c'est formidable. Moi, j'en ai regardé que 3 épisodes, mais pour l'instant, je suis formidé. Voilà. Oui. J'ai le droit. Hein. Ouais, non, mais tu fais ce que tu veux. Donc, news suivante. On enchaîne. Hey ! Internet n'est pas mort. Suite à l'épisode de la semaine dernière, j'ai fait comme qu'est-ce que j'avais dit et j'ai posté le lien de Dalek dans le groupe Facebook Hellmember. Et les retours des gens sont plus divisés en 2 catégories, à savoir, ça n'a rien à faire là, et 1 ou 2 autres groupes, pourquoi pas. Est-ce que tu es d'accord avec les retours que tu as vus? Aucun. Mais non. Non, c'est pas ça que je devais dire. Non, est-ce que tu es d'accord que principalement, il y a ces 2 catégories-là? Oui. Ah, merci. Je suis d'accord. Mais c'est ce que tu m'avais dit de dire, de toute façon. Donc... Et tu as plutôt intérêt à dire plus. C'est moi le chef, c'est moi qui dis. C'est très bien comment ça. On avait dit, c'était comme Mais le point, alors premier point important, je voulais dire que ce soit dans le débat ou juste les échanges, tout le monde a été dans l'ensemble très très cool et qu'il n'y a pas eu de, il y a pas eu d'embrouille ou quoi que ce soit. Les gens ont participé assez volontiers. C'est et ça. C'était assez rare pour le souligner quand même que ça s'enflamme pas et tout dans les débats. J'ai même vu carrément un commentaire qui dit ah c'est rare de voir un vrai débat sur cette page. Ouais bah en même temps je sais pas si t'as vu toutes les réponses que j'ai faites et je l'ai même dit à un moment donné mais que t'insistais bien sur le fait que voilà. C'était pas du tout voilà je voulais bien je revenais à chaque fois sur le truc pour essayer de garder dans cadrer le voilà. Parce que je sais que ça peut vite partir. Est-ce que moi, en fait, ce qui nous a intéressé quand on a abordé le sujet la semaine dernière, c'est le pourquoi de la venue de Dalek, au festival, et sa légitimité à y être, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Après, quand tu vois que tu as des gens qui disent pourquoi pas un ou deux autres groupes, bah, alors maintenant que je suis dans mon émission, je peux en parler, dire ce que vraiment je pense. C'est mon émission. C'est mon émission. Bah, en fait, pour moi, même si j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il y avait des influences glam dans la musique, même sludge, un peu. J'ai vu quelqu'un qui a dit ça dans Dalek. Ouais, je saurais plus exactement. Tu connais peut-être certainement mieux que nous. Hein, bah, sûrement, là pour le coup, non, qui a dû beaucoup, beaucoup plus écouter. Pour moi, c'est du hip-hop pur et dur. Il y a pas. Ils sont classés comme groupe. Ils sont classés comme hip-hop. Hein, c'est pas du tout. Et en fait, pour moi, c'est juste qu'un groupe qui, c'est juste un groupe qui prend la place d'un groupe beaucoup plus légitime. Ça, j'étais d'accord avec toi sur ce point-là. Ouais. C'est vrai. C'est juste ça, en fait. Ouais. C'est pourquoi mettre ce groupe-là au détriment d'un groupe. D'un autre groupe de stoner, par exemple, tiens, qui en a pas beaucoup des trop, masses cette année. Apparemment, il n'y a pas non plus de groupe de grindcore. Apparemment, j'ai pas. C'est ce que j'ai vu dans les commentaires. Ouais, c'est dommage. Mmh ouais, tout à fait. Mais donc voilà, c'est plus ça et parce que le côté, en fait, ouverture vers d'autres groupes, bah ouais, mais c'est pas le lieu, c'est en fait. Pas le festival, hein, voilà, c'est pas, on n'est pas là pour dans ces cas-là, on peut passer n'importe quoi, alors, du coup c'est non, la porte mais ouverte à toutes les fenêtres, exactement, hein, ou dans ce cas-là, oui, tu prends des groupes comme Igor ou quand même Steven Wilson, qui me choque moins, parce que même si on va dire c'est peut-être plus pop que metal, mais voilà, tu peux retrouver des trucs, en fait. Ce que je n'arrivais pas à faire, c'est le lien. Par exemple, il y a quelqu'un qui a marqué qu'au concert de Carpenter Brut, c'est que des métalleux, il y a une ambiance de dingue. Je dis, bah peut-être. Après, musicalement, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, c'est pas parce que. Enfin, je sais pas. Peut-être que même si le public qui va voir ça avec un public métalleux, est-ce qu'ils ont leur place pour autant dans un festival métal ? Bah, je sais pas. Mais dans ce cas-là. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Ou que je ne comprends pas, plutôt. J'ai pu le dire comme ça. Je ne comprends pas pourquoi Dalek est programmé cette année, et ça restera pour moi une interrogation. Et je pense qu'avec les différents groupes qu'on écoute, c'est pas forcément la seule et unique interrogation qu'on aura. En l'occurrence, Carpenter Brut, je comprends pas non plus. Jessica 93, c'est pareil. Hein. Mais encore, mais oui, mais même sans être ça, je trouve qu'il y a quand même il y a des musiciens, tu vois. Oui. Déjà, oui. Donc, enfin. Ouais, enfin après. Le mec, il est une Flying V. Hein. Moi, ça fait le lien. Flying V, je vois le lien. Ah, j'ai vu une Flying V. Ah ouais, j'ai pas vu. Ah bah j'ai vu. D'accord. Ah bah, je regarde. Et il avait des cheveux longs, le mec. Ah. Deux liens. Ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que le batteur devait au moins taper sur une cymbale. Ah ouais. Putain, tu vois, trop de liens. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Ouais. Bah, après, coup, après, peut-être que c'était un mauvais exemple, la chanson qu'on a entendue de Jessica 93, il y a peut-être d'autres choses derrière. Mais au moins, c'est pas aussi électro que peut l'être Carpenter Brut, quoi. Même si sur scène, il peut avoir un esprit métal, ou il peut, je sais pas. Jessica 93, le mec, il est tout seul. Mais non, il y avait des en live, dans la vidéo. T'as pas vu la vidéo qu'il a mis en commentaire? J'ai pas vu en live. Mais non, mais il a mis une vidéo, Nico, il avait mis en commentaire, justement. Ah, mais j'ai pas vu la vidéo. Bah, il a des musicos. Ouais. Au moins, c'était un mec qui faisait, comme Boogers peut le faire, quoi. Qui faisait un riff de guitare, par exemple, qu'il mettait en boucle et qui après chopait un autre instrument, qui faisait la même chose. C'est pas qu'est-ce que j'ai comme info, moi. C'est pas qu'est-ce que t'as comme info ? Non, je regarde, mais parce que. Ah bah alors on nous aurait menti. Non, on se serait. Non, mais on peut. Il faut être exhaustif. C'est ça. Et des fois, on n'est pas exhaustif. Vous que vous sachiez, disez-nous. Oui, voilà. Mais c'est ça aussi, vous nous dites pas, vous écoutez, vous cliquez pour voir, et puis quand vous arrêtez, bah après vous nous dites pas. Vous barrez, quoi. Et puis après, nous, on est seuls avec nos doutes. Ouais, c'est ça. Vous savez pas ce que c'est de faire des podcasts. Après, on est seul, froid, dans l'hiver. Attends, regarde là. Il y a des musicos. Eh ouais, dis donc. Tu vois. Ah bah c'est fou ça. Tu vois, regarde. Légitime. Pff, bah peut-être que du coup, ça a peut-être changé la donne. Bah voilà. Hein. Ok, très bien. Bref, donc c'était un bon débat sur le groupe et j'ai été content de l'avoir lancé. Au moins que les gens aient pu échanger autour de ça. Voilà. Bon, j'aurais voulu bien sûr une vision unanime qui dise ça n'a rien à faire là, vous avez raison. Voilà, ouais, c'est ça, tu mais bon. Raison, Road to Hellfest. Voilà, faites les mieux du mieux. Ouais. Sinon, je voudrais juste passer un petit big up, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi je ferais un big up ouais, un petit coucou à Skate Jardy. J'espère que je prononce bien, qui a beaucoup participé et qui m'a conseillé deux groupes norvégiens, à savoir Tauk, qui s'écrit T-A-A-K-E, qui est, apparemment était d'abord baptisé Tool, et Tauk, ça signifie brouillard ou brume. D'accord. Et l'autre groupe, c'est Wardom Riff, avec l'album Domdagsvad. Tout à fait. Imprononçable. Donc j'ai préféré World Home Riff à Talk. Mais après, c'est, les deux sont de groupes de black metal. C'est pas, le black metal étant pas forcément ma musique de prédilection. Tout à fait. Mais en tout cas, je te remercie pour le conseil. J'ai pas beaucoup écouté non plus, donc j'essaierai d'approfondir. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup plus préféré World Home Riff à Talk. Mais rien que de pouvoir dire Talk, ça me fait. J'aime bien. C'est pas Talk ? Non, c'est Talk. Talk. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai été quand même renseigné un peu. Par contre, j'ai pas trouvé pour World Home Riff. La phonétique du mot, non ? C'est marqué. Non, c'est marqué vraiment Talk d'abord, puis baptisé et tout. Enfin, voilà. Cool. Donc, voilà pour les news. Hein. Moi, j'ai pas pu, voilà. Pas moi. Eh ben, moi, je vais pouvoir aller me coucher. On a fait une petite demi-heure quand même là-dessus. Hein. Ah, quand même. Ouais, on est des fous. Bah, ça va. Du coup, on passe aux chroniques du groupe de la semaine. Non, aux chroniques des groupes de la semaine. À savoir les six groupes de Bob. À savoir les six groupes de Jack. Nous aussi, on peut faire du hip-hop. Bah ouais, nous on en fout, y'a rien qui nous arrête. Est-ce que je te laisserais t'y pas commencer ? Bon, écoute. Qu'est-ce que j'avais donc ? Au final, le groupe que t'as jamais fait d'il y a 15 jours, tu le feras jamais. Non, parce que... Merde. Oh, mais t'as dit, tu fais quoi ? Oh là là ! Il joue à Clash of Clans ! Non, ça s'est allumé tout seul. Alors pourquoi, je ne sais pas, j'ouvre mon téléphone et ça s'allume. D'accord ? Tu fermes tes mouilles ? C'est pas bien ce que tu fais, hein, parce que... Tu seras gentil. Franchement. Mais j'y peux rien, là, ça s'est ouvert tout seul. Franchement. Ça s'est ouvert tout seul. Ah, oh, mais. Eh. Mais qu'est-ce que tu cherches en plus ? Mais non, je cherche à le fermer ! Mais tu joues là ! Mais non, je cherche à le fermer ! Oh, les gars, il est en train de jouer. Mais non, je fais genre, il met le téléphone sous la table et il joue. Mais non, oui, en plus, je sais pas pourquoi je me fous sous la table. On s'en fout totalement. Alors, tu recommences pas ça, d'accord ? On devrait faire un live une fois pour voir. Un live ? Ouais. Un vrai live ? Ouais. Ouais. Genre pas un live enregistré ? Non, mais un truc, même on se mettrait sur YouTube. J'ai pas fait de photo ! Non ! Mais c'est tout part en couille, quoi. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment le podcast de l'anarchie totale, quoi. Ça veut rien dire. Pourquoi je l'ai pris, en plus ? Ça ? Bah, mon téléphone. Donc, alors, moi, qu'est-ce que j'avais donc ? Merde, j'ai pas pris mon papier. Quel papier ? Oh, j'avais fait un papier. Oh non, en plus, c'était sur le groupe. Bah, va le chercher, alors je meuble. Vas-y, donne-moi des trucs. Mais attends, je sais pas où il est. Oh, tu fais chier. Ah non, fais chier. Bon, je crois avoir à peu près. C'était sur. Exécuteur. Ah, c'est dommage. Pourquoi il y avait quoi ? Bah, parce que, en fait. Ouais. Eh ben, on va commencer par Bad Religion. D'accord, mais tu vas pas du tout. D'accord, bon, ok, on verra. Ouais, non, mais après, je pense, peut-être de tête, je vais réussir à retrouver vite fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, c'est pas mal ! Ouais, t'as vu ? Ardek Nek Consumitour. Voilà, c'est pas... Ouais, c'est assez exhaustif. Oh là là, et oh ! Tu vois, t'es pas mieux. Oui. C'est n'importe quoi. Mais si, moi, je... Attends, les mêmes meubles, alors. Ouais, ok. Table basse, les maisons du monde. Alors, c'est la Long Island. La Long Island ? La Long Island. Au prix de 395. Non, moins. Ouais. Mais beaucoup trop, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, dis donc. Attends, je peux te la montrer, si tu veux. D'accord, non, bah, ça va, dis donc. Ah oui, la table basse. Oui, de toute façon, on s'en fout maintenant. Hein. On a dépassé la demi-heure, tout le monde a lâché. Ça serait énorme. Tu imagines les mecs qui lâchent. Bon, ouais, c'est bon, ouais, ça fait 30 minutes que personne n'écoute. Allez, on se lâche. Allez, viens, on raconte des trucs et tout. Alors. Tu vois, c'est la Long Island. Tu vois la table basse, c'est ça ? Non. C'est quoi ça ? C'est une table basse. Non, allez, moi, je fais pas ça. C'est 4 tubes en métal. Mais ouais, mais c'est pour ça que je voulais pas. Régime de bouffe ? Qu'est-ce qu'elle me dit ? Attends, je réponds tout. Bah, enfin, tu vois, il n'y a pas d'intérêt. Mais ouais, non, c'est clair. Ah, on est en plein régime. Non, en plein. En plein. D'enregistrement. Voilà. Régime de bouffe. Pff, bah, d'accord. Putain, ça part totalement. Ok, d'accord. Donc, tu commences ? Bah, ouais, du coup. Très bien. Donc, oui, Bad Religion. Quoi est-ce que c'est ? C'est un groupe de punk rock américain. Ah, j'aime pas trop les punk. De San Fernando. Ah. À L.A. Ouh. Je crois que ça veut dire Los Angeles. Ah, exact. Los Angeles. 5 millions d'albums vendus quand même. Hein. Hier. Ouais, hier, ouais. Wow. Vendredi. Oh, mais arrête. Non. C'est horrible. Et ils sont quand même actifs depuis 79, hein, Bad Religion. Ah oui, quand même. Eh ouais. C'est pas des genoux, les gars. Non, non, non. Est-ce que tu es... Donc, c'est un groupe que tu connaissais déjà, donc. C'est un petit peu tes gars sûrs. Bah, c'est pas méga sûr, mais je connais... En fait, j'ai connu Bad Religion avec les compiles, l'épitaphe. Ouais. Punkorama. Mm-hmm. Donc, il y avait plein de groupes américains comme ça qui signaient avec ce petit label indépendant spécialisé dans le punk rock américain. Mm-hmm. Donc voilà, en fait j'ai découvert Bad Religion. On reconnaît bien la voix du chanteur. Quand tu connais la voix du chanteur de Bad Religion, tu écoutes un morceau de Bad Religion sans savoir que c'est eux, tu te dis ah tiens, ça ce serait bien. Voilà. De toute façon, je m'en fous. Donc ils ont sorti leur premier album en 81. Mm-hmm. Quand même. J'étais né. Hey, bah peut-être que moi aussi. Parce qu'ils savent pas trop en fait si c'est novembre ou décembre. 80. D'accord. Je suis de décembre. 80 du coup. Du coup. Donc 82, deuxième album, qui est passé impopulaire. Ah mais t'as fait ton truc là. Ouais, ça t'étonne. Bah j'ai rien moi cette semaine. Qui est passé impopulaire auprès des fans du premier album et des fans du groupe qui les suivaient. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu des petites agrémentations de hard rock progressif dedans apparemment. D'accord, donc, et ils ont fait assez, non, c'est pas très bien. Bah en fait, ils ont pas du tout accroché et en fait, il s'appelle Into the Unknown. Ouais. Cet album-là. Et en fait, l'album aujourd'hui est collector. Carrément. Ouais, et il est même jusqu'à vendu $100 sur eBay. Ouh. Le deuxième album, qui était totalement impopulaire en fait. Maintenant, enfin. Maintenant ils sont après, gars, quelques années en après. Fait. Voilà, ça quelques années après, le public s'est dit ouais, en fait, c'est un bon album. D'accord. Ouais. C'est pas un excellent album, mais c'est un bon album. Donc voilà. D'accord. Donc j'en étais là. Hop. Donc ils ont ressorti un EP en 84 et ils se séparent en 85. Oh, merde. Voilà. À cause de qui? À cause de rien du tout, je pense que c'est un tout venant. Voilà, c'est ça, un désaccord commun. Voilà, grosso merdo, c'est ça quoi. Ah, ils se sont pas reformés. Ah, si. Ah, d'accord, ce que j'allais dire. Ils se sont reformés hier soir. Non. Voilà, c'est ça, pour l'apéro. Non. Non, ils se sont reformés, je crois, si je me trompe pas, en 80. Je sais plus, 10 et quelques, un truc comme ça, dans les années 90. 80... Non, si je m'en rappelle. Non, mais 90 et quelques, c'est bien, parce que c'est pas du tout large. Non, ça fait qu'une décennie en fait. Oh, quasi, ouais. Qu'est-ce que 10 ans? Que dalle. Regarde, moi, ces 10 dernières années, je les ai pas vus, quoi. Bah non. Donc, est-ce que Bad Religion, du coup. Oui. Est-ce qu'il l'aurait vu passer? Non, mais bien sûr est-ce que non. Est-ce qu'il le voit passer? Ouais, mais il va savoir. Rien du tout de tout ça. Mais du coup, tu te rappelles, on avait. Au moment de la sortie de Five Finger Death Punch, ils avaient fait une chanson qui s'appelait Bad Religion aussi. Ouais. C'était une reprise. Je me dis, tirée de la chanson Bad Religion, du groupe, en fait. Ouais. Et moi je t'ai dit, je sais pas, peut-être. Mais en fait, j'ai écouté la chanson Bad Religion de Bad Religion. Je vois pas du tout. Il n'y a pas de rapport. Ah, mais je sais pas, je vois pas en tout cas. Je me demande s'il n'y a pas un des membres du groupe qui se serait barré. Je dois confondre. Peut-être. Très bien, très bien. À vérifier, mais il y a un rapport, je crois, avec Avenged Sevenfold. Et. Ah bon? Ouais, je crois. Oh, c'est pas du tout les mêmes générations. Non, mais après, on s'en fout. Un Zico, c'est un Zico. Ah, genre le batteur actuel de Avenged, ça aurait pu être le. Voilà, le batteur de Bad Religion. Écoute, c'est possible. Je vais regarder parce que, ouais, il y a peut-être une histoire comme ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu as écouté, toi, de. Bah, en fait, je peux pas trop te dire parce que j'écoute ça depuis que j'ai 14 ans. Et, ah oui, là, t'as rien écouté de plus, en fait. Bah, si. Bah, si, il y a Julien qui a partagé l'album. Je sais pas si t'as vu. Oui. Putain, c'est quel album? Je ne sais plus. C'est un album qu'il a partagé? Ouais, c'est tout l'album. Ah. Mais en même temps, il a pas mis de message, Julien, donc il est sympa, mais. Bah, c'est ça. Donc. Il a partagé. Attends, putain, c'est sur quoi? Tagalak. Que pas. Ouais, c'est un bon album. Voilà. Ce serait bien ça. Et non, c'est pas ça. Autant pour moi. Eh oui, c'est ça. L'ancien batteur de Bad Religion, Brooke Wackerman, voilà, et actuel batteur d'Avenged. Il nous a partagé gentiment nos contrôles. D'accord, de Bad Religion. Il est sympa, Julien. Il pourrait mettre un petit message pour nous aider. Bah voilà. Genre, hey, écoutez, celui-là, c'est mon préféré de la vie. Bah ouais, parce par contre, plus, moi, je le vois, quand je l'ai vu, il m'a dit que c'était très agréable l'écoute du podcast, il aimait bien, et que du coup, il l'écoutait au boulot, et que des fois, ses collègues se retournaient parce qu'ils rigolaient à nos conneries. Ah ouais, c'est sympa. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on en sort deux, trois, des petites galéjades comme ça de temps en temps. C'est vraiment pour vous, hein, parce que nous, à la base, on est des mecs chiants, on aime pas rire. Hein. Bah ouais, puis plutôt sérieux. Hein. Exactement. On aime la grande littérature. Voilà. Donc, c'est tout. À peu près tout ce que j'ai à dire hein, sur le groupe hein, Bad Religion. Bah, allez écouter, hein, tout simplement. Hein, ah, oui, donc. Et il reste la question. À quelle heure et quand? Voilà. Bad Religion, forcément, ça va être sur la Warzone. Et je les verrai bien dans les mêmes horaires que Rancine l'année dernière. Donc, je crois que c'était 19h, je crois, Rancine. Mais non, 19h, Rancine. 20h. Ouais, c'était même plus tard. 22h, Rancine. Il faisait nuit? Ah oui. Complètement nuit. Moi, j'avais peur que je te tenais la main. Bourré. Je te tenais la main. Ouais, puis. Ouais. Donc. Ok. Non, rien de salace, hein, vous inquiétez pas. C'est moi qui m'inquiète là. En fait. Les gens, je m'en fous. Je... Non, ça n'a rien à voir. 22h. Ben, 7. Ah, 7, d'accord. Je 22h07. 22h07. Sur la Warzone. Très, très bien. Ok, bon, alors je vais prendre le relais. J'ai commencé avec Madball. Hein. Ah, tiens. C'est un groupe de punk hardcore américain originaire de New York qui s'est formé à la fin des années 80. Aujourd'hui, le groupe compte un total de 9 albums studio, le dernier étant Hardcore Live en 2014, qui du coup... n'est peut-être pas un album studio. Je vais aller regarder. Parce que... quand il y a le mot live dedans. Ouais, moi ça met toujours un petit doute. Ouais, c'est ça, moi, là, je... Alors, Madball... Donc ce que tu veux dire, c'est qu'ils auraient que 8 albums, du coup. Bon, ça me paraît plus aussi, hein, quand même. Hein. Mais pourquoi pas, en même temps... Ce qui serait assez chiadé, c'est qu'ils enregistrent tous leurs albums en live. Mais c'est compliqué à faire. Ouais, bah écoute, j'arrive pas à me rendre compte. Hein. Parce qu'il y a énormément de trucs, mais avec des remixes, des machins, des lives. On peut dire qu'ils ont 8-9 albums. Hein. Oui, voilà. Bon, en tout cas. Allez voir. Hein. Ouais. On va pas tout vous mâcher non plus. Madball, c'est un peu un groupe qui a accompagné mon adolescence sans que je l'écoute vraiment, en fait. Ils étaient toujours présents, mais j'étais pas forcément. C'est eux qui te suivaient tout le temps. Ouais, et puis j'avais peur dans la rue parce qu'ils étaient derrière moi. Ils n'avaient pas l'air. Voilà. C'est pourquoi ils étaient derrière moi, puis ils chantaient fort. Les mecs, ils avaient pas l'air faciles, quoi. Non, mais en fait, c'est un truc qui a accompagné souvent mon adolescence, mais que j'écoutais moi pas forcément. Et en fait, quand j'ai réécouté là, pour la préparation de l'épisode, j'aime bien dire ça comme ça. Ouais, bien sûr. Vu comment vous avez préparé. Moi, de toute façon. Et en fait, j'ai trouvé ça énorme. J'ai trouvé vraiment ça très, très, très, très bien, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et au niveau énergique, au niveau riff de guitare, au niveau, j'ai tout aimé, quoi. C'est putain de bon, ils sont en colère hein, vraiment, ils ont quelques disgrâces envers la société, ça se sent. Oui, bien sûr. C'est le côté comme punk, beaucoup de punk hein. Voilà, c'est le côté punk hardcore, mais ils ont vraiment le côté new-yorkais, un peu comme Biohazard et tout. D'accord. Tu retrouves un peu ça, je trouve. Alors beaucoup moins que le côté Rancid qui est un peu avec leur fameuse variante. Ouais, eux ils sont de San Francisco, donc c'est pour ça. Pays du soleil. Beaucoup plus ouvert San Francisco alors que New York ils sont beaucoup plus fermés. Voilà, ils sont plus... Bref, donc j'ai pas énormément de trucs à en dire de plus. J'ai vraiment bien aimé. J'ai écouté le premier album, Set It Off, je crois, qui s'appelle. Set It Off. Set It Off. Ah d'accord. Ouais, parce que Set It Off, c'est une bande dessinée. Ouais, c'est Led Zeppelin. Oui. et le dernier album et même un EP. Alors, je sais pas en quoi il apparaît dans les derniers, alors que. C'est un vieux. Bah je sais pas, parce que si tu suis le techniquement... Oui, normalement, du plus... voilà, et c'est voilà. Ça, il y a que deux chansons en fait, The Family Bees, et franchement, ça envoie mais direct... ça m'a... Quand j'ai commencé par ça, j'ai fait, waouh, putain, mais ça déménage, alors que... Ouais. Franchement, c'est le genre de musique à écouter le matin au réveil. Ouais, bah c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Ouais. Donc, donc très très bon groupe. Bon, en même temps, c'est un classique, je veux dire, c'est pas non plus, il débarque pas, quoi. Non, j'ai dit, fin des années 80 quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Donc. Et fin jusqu'au bout. Est-ce que toi, tu écoutes un peu Mad Ball ou... J'ai dû tendre une oreille vite fait, comme ça. Mais ils ont pas accompagné mon adolescence parce qu'ils étaient avec toi. Ouais, mais non, mais en fait, moi, il l'accompagnait sans vraiment que je l'écoute. En fait. C'est-à-dire que c'est un groupe qui réapparaissait à chaque fois et pourtant, je m'y intéressais pas trop, en fait. Bah, je crois que je me suis jamais vraiment intéressé à Mad Ball. C'était l'époque où j'écoutais un peu plus de Offspring, qui était vraiment très à la mode. Ouais. Ouais, je suis vieux. Et du coup, Mad Ball était pas loin. C'est genre les mecs. C'était déjà les vrais qui écoutaient ça et que moi, j'étais pas un vrai, j'étais juste à côté. Donc les mecs disaient, ouais, moi, j'écoute Mad Ball, Biohazard, des trucs comme ça. J'ai, ah, ouais. Ah ouais, des gros durs. Ah, bah, des mecs, ils roulaient en 103, mais avec le cadre moto, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, moi j'ai pas une mobilette, j'ai une moto. J'écoute du Mad Ball. Voilà. Je me disais, ah, putain, c'est cool. Moi j'ai un vélo. Ouais. C'est pour les muscles. Bah, moi j'avais ni l'un ni l'autre parce que j'étais pauvre. Mais moi j'écoutais plus du GBH, des Berruriers Noirs, Ludwig 2088. Moi je suis pas trop musique classique. Tension, qui est un groupe canadien. S'il y avait l'autre, les Toy Dolls, tout ça quoi. Donc après, c'est vrai que. Oui, bah t'es un côté New Yorkais, t'es plus côté anglais, français, moi en fait. Ouais, t'as une autre forme de vrai, je sais pas ce que t'essayes de dire. Bah, moi en français, j'écoutais téléphone. Je rigole. Non, non. Cool. Jamais, bah attends, t'es fou quoi. Attends. Ouais. Je ne tourne pas seul. Non, c'est Jean-Jacques. Ah, c'est Jean-Jacques. Mais oui. Debout. Oui. Le mari. Ce matin, un lapin. Alors, je dirais Warzone. Ouais, quitte à ce que ça va. On n'a plus rien à prouver, hein. C'est une saison 2. Hein. Exactement. Ceux qui sont encore là, ils sont, c'est là pour... Mais ils sont là pour ça. Donc, des vrais sages. Warzone, 18h. Allez, 19, parce qu'on a dit beaucoup de 18h la semaine dernière. Ah ouais? Ouais, je crois. C'est vrai qu'en même temps, on recoupe pas nos infos, mais ça se trouve, on va... Mais c'est ce que j'ai déjà dit, ça, on va être dans la merde. Faudrait qu'on fasse un... J'ai commencé un peu un tableur. On n'a pas dit les jours. Ça peut très bien être le jeudi ou le lundi, du coup. Voilà, voilà, ah bah voilà. Oui, ah bah, c'est temps, on est large. Ah bah oui, tu rajoutes jeudi et lundi. Ah bah oui, non, mais après... Bah oui. Je ne sais que dire derrière tout ça. Je suis fatigué. Mais ça n'excuse pas tout, monsieur. Oh bah si, ça aussi, ça peut. Bon bah vas-y, enchaîne. Alors, moi j'ai Jonathan Davis. Ah, finalement t'as écouté Jonathan Davis. Bah, alors je sais pas en fait si c'est vraiment ce qui va passer au Hellfest. J'en ai aucune idée vu qu'on n'a pas trop d'infos en fait. On a que Jonathan Davis. Ok, déjà. Mais en fait là, c'est ce que j'ai vu, moi, c'est Jonathan Davis and the SFA. Simply fucking amazing. Ouais, c'est ça. C'est ça. Normalement, ouais. Et c'était un concert que t'as vu? Ouais. Tu as vu, t'as pas la date? Attends, je l'ai vu, c'est au Live at the Union Chapel. Parce que c'est pas une date, en fait. Non, mais je m'en fous, en fait. De toute façon, je m'en fous. Mais non, ça a l'air très récent, quoi. Je m'en fous, je suis un connard. Ah, voilà, merde. Ça. J'osais pas trop, parce qu'après, on pourrait avoir des problèmes. Avec qui? Je sais pas, avec... Entre nous deux ou, Mad Ball, par exemple. Ou nous deux? Ouais, ça se trouve. On pourrait se fâcher? Ouais, carrément. Ça se fait qu'on... Ouais, allez, on se fâche. Bah, attends, comment t'as dit que ça t'appelait-il? SFA. D'accord. Jonathan Davis and the SFA. SFA. Ah. Pas SFR. Bah, ouais. Non. Mais peut-être, mais il a aussi repris des chansons de Korn dans le lot, donc... Là-dedans, ouais. J'ai entendu du Korn dans le... À The Union Chapel, partie 1. Ouais, c'est ça. Alors attends, je voudrais pas... Mais justement, je ne sais pas du tout, donc je me suis dit, tiens, je vais me mettre ça. Non, mais t'as bien, c'est bien. C'est, alors là, je trouve ça très très bien. Merci, très gentil. Ajouté le 26 janvier 2014. Oui, bon, après, ça sera peut-être dans cette idée-là, mais pourquoi pas, c'est très... Et donc, alors, qu'as-tu à nous dire de ce petit... Chante assis. Eh ben, Non, c'est un espèce de trône de roi, là. Et il chante tout le temps ainsi, il se lève pas. Voilà, c'est d'accord. Assez étrange. D'accord. Sinon, il se fait appeler G. Devil. Oui, ça c'est... Non, mais ça c'est quand il est en mode DJ, là. Ah ouais, d'accord. C'est de la merde, par contre. Hein. Ouais. Clairement. Ah oui. Ça se trouve, c'est ça qu'il va y avoir. Non, c'est bien précis, parce que moi j'ai vu G. Devil en première partie de Korn. Ah ouais. Ah, oh, c'était formidable. Mm-hmm. Il s'éclatait lui, hein. Ah mais vraiment, il était à fond, il était trop content de faire ce qu'il faisait et tout. Bah, c'est... Ouais. Pouf. Bref. C'est son anniversaire demain, d'ailleurs. Oh, mercredi. Happy birthday to him. Ben voilà. En anglais, je t'ai dit, hey John, happy birthday to you. Yeah. Road to Hellfest, send you a happy birthday. Quoi, moi je m'en fous. Et j'ai appris que son premier groupe s'appelait Sex Art. Et qu'il était marié avec une actrice. Oui, bien de sûr. Porno. Parce que, et moi, et j'avais... Il avait trois enfants. Mais bon, bien sûr. Le premier était son premier mariage. Et ouais. Les deux derniers étaient sa copine. Actrice. Voilà. Ah, le 7e art. Ah, c'est ça. Et tu sais que pour un de ses anniversaires, en fait, en gros, elle avait demandé à une de ses copines actrice. Lui, il avait genre les yeux bandés. Et il y avait une fille à l'envers qui descendait du plafond sur lui. Ouais. Ils sont pas la même vie que nous, ces gens-là. Ouais, c'est clair. Raison qui te dit que je t'ai pas préparé. C'est moi, le paroxysme de mon week-end, c'est hey, croissant ou pain au chocolat dimanche matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai la flemme. Plus, s'il te plaît. D'accord. Donc, est-ce que tu devrais pas plutôt enchaîner directement avec un autre groupe? Parce que sinon, moi, je vais me faire biaiser. Bah là, ouais, c'est vrai que c'était pas terrible. Bah, c'était pas pire que moi et Bad Ball, donc vas-y, hein. Ah bah sinon j'avais, bah c'était, on va dire, mon petit coup de cœur. Oh. Bien que j'ai dessiné une bite dans le truc, mais... C'est The Good, The Bad and The Zugliri. Tout à fait. Groupe norvégien. Oh, encore ? Eh ouais. La Norvège, hein. Eh, ils sont partout. Moi je dirais que c'est... Bon, c'était marqué groupe de rock, hein, donc forcément les mecs ils se foulent pas trop, hein. Voilà. Donc voilà. Punk rock, rock and roll, un peu de tout, quoi. C'est énergique, hein, les gars. Ouais. Donc moi, ce que j'ai noté, en fait, c'est de ce que j'ai écouté, c'est comme si Offspring et Peter Pan Speed Rock s'étaient retrouvés invités à une grande partouze organisée par The Driving dans la maison de Dillinger Escape Lane. Ah, quand même. Voilà. Et que tout ça, ça forniquait. Ah oui. Et je trouve que le mélange se forme bien, The Good, The Bad and The Zugling. T'as écouté beaucoup de choses? Moi j'ai écouté quelques titres, ouais, quand même. Et ça t'a donné envie d'en écouter plus, moi? Ouais. Cool. Et d'approfondir un peu ce groupe. Les mecs ont l'air dans des bonnes têtes, je trouve, ouais. Ils ont l'air plutôt sympathiques. Ah, est-ce que là, tu les inviterais à boire une bière? Tout à fait. Ah, oh, mais t'es tellement sympa. Bah, je pense que, ouais. Ah ouais, non, mais je suis un... Ouais. Ah non, mais et j'en ai jamais douté. Ah, d'accord. T'as vraiment kiffé. Ouais. Ouais, ce que j'ai... Enfin, de tout ce que j'ai écouté depuis le début, ouais. Ah bah, c'est bien, quand même. Voilà. Il fallait que ça arrive. Bah, et voilà. D'accord. Et c'est arrivé. D'accord. Bah, non, j'ai pas plus d'infos que ça. Non, mais en fait, c'est vachement bien, déjà. J'ai cherché. Non, mais t'as fait un paragraphe, c'était bien. Très bien. Je veux dire, le nombre d'albums, tout ça. Je crois qu'ils ont deux albums, je suis pas sûr. C'est un groupe assez récent. Ouais. Très. Cool. Et ben moi, j'ai écouté que le titre que j'ai posté sur la page. Ouais. D'ailleurs, t'en penses quoi? C'est pas mal, ce système de... Ouais, j'aime bien. Ça fait un petit accompagnement. Bah ouais, avec ces petites... Voilà. Un cartade. Oui, ces petites présentations. Ah, ces petits moments d'humour. Petit, voilà, c'est ça. Oh, tu sais, moi, je ne suis jamais à l'abri de me lâcher un peu. Hein. Alors, donc j'enchaîne. Bah ouais, du coup. Hein. Je vais passer, alors, sur Hard On, qui est un groupe de punk rock australien, originaire de Sydney. Ils font partie des groupes qui ont le plus de succès en Australie, avec plus de 250 000 ventes. Ouais. Mais l'Australie c'est pas très grand, donc faut relativiser. C'est un vieux groupe. Alors attends, parce qu'il me manque 2-3 infos que... Voilà. C'est un vieux groupe qui a commencé depuis 1982. Ils sont en activité et ils ont sorti... Ah, oulala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 albums. Ah, quand même. Ouais. Par contre, de ce que moi j'ai pu écouter, ça sonne vraiment comme, tu sais, le vieux punk, mais le punk gentil. Alors, un peu, pas tout à fait le punk californien, mais un peu dans l'esprit. Ouais, comme Bad Religion, c'est pareil. Hein, c'est, ouais, c'est voilà. Gentil, ouais. Voilà, un peu dans ce style-là. Et par contre, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai la chanson que j'ai postée, justement sur la page de Road to Hellfest sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner. Je la connaissais déjà, en fait, je l'avais entendue quelque part, mais impossible de me souvenir d'où. Ouais. Voilà, donc c'est peut-être de par leur longue existence. J'ai malheureusement pas grand chose d'autre à dire parce que j'ai pas trop taffé cette semaine sur ce côté-là. Voilà. Ouais. Je m'en suis rendu compte ce soir que j'ai pas assez écouté ce groupe-là. Donc ça s'écoute bien, c'est sympa, ça passe le temps. Il y a rien qui m'a accroché plus que ça. Mais ça a rien de mauvais non plus. T'as pas dit pour The Bad, The Glee and The Lugly. Ah, j'ai pas dit. J'ai pas dit. T'as pas dit. Hein. J'ai pas dit. Ouais, je les verrais bien aussi en Warzone. Ah ouais? Ouais. Oh bah moi j'aurais dit la vallée, moi. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que le titre que j'ai posté, il était un peu dans l'esprit, je pensais qu'ils pouvaient passer sous la vallée. Ah bah oui, ils peuvent passer sous la vallée, ouais. Mais ils peuvent passer aussi à l'arrière-train. Non, mais c'est tout, vas-y, Warzone. On va s'arrêter. Warzone et... Techniquement, en plus, pour aller à Warzone, il faut passer par... Je dirais 18h. Non, vas-y, de toute façon, tu sais quoi? Allez. Ça va être tout Warzone 18h. Tu veux 18h? Ouais, 18h. Mais c'est ce que je dis, ça se trouve, ils passeront... Non, mais t'as raison. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est exactement ça. Et donc, pour Warzone, je dirais aussi Warzone, parce que... À 18h. Non, moi, je suis un vrai 18h15. Je m'en fous. Ouais, donc, par contre, c'est vrai que je regrette de ne pas avoir assez écouté, parce qu'ils ont quand même sorti beaucoup d'albums et que j'aurais peut-être avoir plus de choses à dire, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. C'est bien, ça passe bien, mais ça m'a pas plus accroché que ça. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, c'est un punk rock gentil. Voilà, c'est ouais. Ça. Que tu sais, c'est le truc au milieu d'une playlist qui passe. Ouais, tu zappes pas le morceau, tu le laisses passer. Non, ouais, tu laisses passer, mais. Après, peut-être que sur les 15 albums, j'ai dit, je crois, j'ai peut-être raté une ou deux pépites. Mmh. Donc, 15 albums, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Bah, c'est ça. Voilà. À raison de. Une moyenne de 10 titres par album. Tout à fait. Voilà, je vous en prie. Voilà, donc moi j'avais aussi Sons of Apollo. Oh. Donc c'est un super groupe. Mm. Que j'ai pas trouvé si super que ça, mais. Fallait la faire. C'est vrai. Metal progressif américain. Mm-hmm. Un groupe tout neuf. Enfin, un super groupe tout neuf. 2017. Composé du batteur Mike Portnoy, je crois, oui. The Dream Theater, mm-hmm. du bassiste Billy Sheehan, bassiste de Thalass, entre autres. Si j'arrive à me relire, Derek Sherinian, au clavier, c'est ça? Oui. Qui a enregistré pour Alice Cooper, Billy Idol, Ingrid Malmsteen, Kiss, etc. Également membre de Dream Theater de 94 à 99. Tout à fait. Le chanteur Jeff Scott Soto, leader du groupe Talisman, et le guitariste Ron Bubblefoot Tal. Le fameux. Anciennement guitariste de Guns N' Roses. Exactement, Tess. De 2006 à 2014. Et a joué sur le sixième album de Chinese Democracy. La fameuse Arlésienne. Tout à fait. Un des albums qui a coûté le plus cher de l'histoire de la musique. D'accord. Parce qu'il a été enregistré sur je ne sais plus combien d'années, mais... Ah ouais? Ouais. Donc il y a des titres qui n'est pas si mal. Hein. C'est peut-être mon préféré, moi, de Guns N' Roses. Ah ouais? Mais je ne suis pas fan de Guns N' Roses. Moi, j'écoutais quand j'étais petit. Hein, je devais avoir 11-12 ans, je crois. Et j'étais plus fan d'Aerosmith, moi, à cette époque-là. J'étais plus fan de passer sur les radios. Ce truc de dingue. Alors, Son of Apollo. Comme Mathilde me dit, c'est de la musique de macho. Ah bon? Ouais, parce que les mecs, ils ont une posture très... ouais, donc, bah, moi, j'ai... Ouais, métal progressif, un peu power metal. Un peu gentil métal. Le gratteux joue avec une... je sais pas comment on nomme ses guitares à deux manches. Sans frette, là, puis elle a pas de frette, en plus, je crois. Ouais, c'est possible. Donc, c'est un putain de bon. Hein, mais bon, après, les Icos sont très bons, quoi. Hein, ça s'entend, hein, c'est... Ah, le bassiste est excellent, le batteur propre, est très hein. bon, c'est, ouais, c'est nickel, c'est propre. J'ai pas grand chose à dire, quoi. Le chant, c'est pareil, hein, le mec. Mais en fait, moi j'aurais tendance à. Taf, quoi. J'aurais, de ce que j'ai pu écouter un peu, parce que on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, et j'avais écouté. Et, parce que ça apparaissait beaucoup, justement, dans mes réseaux sociaux, comme étant le nouveau groupe machin, et quand j'ai écouté, en fait, j'ai trouvé ça. Presque trop propre en fait. Justement. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour un groupe rock, justement, bon, après dans le métal progressif, c'est souvent très propre, très carré, très nickel, mais là, ça sonne vraiment extrêmement propre et du coup, t'as presque envie de mettre 2-3 petits coups de scalpel pour qu'il se passe quelque chose d'un peu moins. Ouais. Ce qui n'est pas le cas justement de The Good, The Bad and The Ugly, je trouve qu'il y a plus une identité vraie. Ah bah ouais. Alors que là. C'est un groupe quoi, ça. Voilà, là ça marche bien, hein. C'est justement, ça marche peut-être trop bien quoi. Ouais, c'est ça. Moi. Bah, les super groupes en général, les mecs, ils vont aller chercher un peu à droite à gauche les Icos qu'ils veulent. Ouais, mais on va reprenons l'exemple de Killer Be Killed. Ça a beau être super propre, c'est pas non plus aussi propre que ça. Quoi. C'est pas. Enfin, non, c'est un métal différent. Ouais, mais là, bah, alors, c'est peut-être lié au style alors du coup, mais. Je pense, ouais. Bah, là, le style des Icos déjà. Ah oui, mais là, ça sonne un peu trop propre, quoi. J'aurais du mal à écouter longtemps, quoi. Bah en même temps, tu regardes le super groupe en lui-même, quoi. T'as deux membres de Dream Theater. Ouais, mais Dream Theater, j'aime bien, moi. J'aime vraiment bien. C'est propre déjà à la base, quoi. Ouais, mais. C'est une vraie. Ils ont leur album. Ah, j'ai complètement oublié le nom, mais j'ai un album coup de cœur. Bah, c'est leur meilleur album. Et tu l'écoutes, c'est comme une vraie balade, un vrai truc. Et ça peut être propre. Là, c'est lié à quelque chose. Là, ça fait plus justement des chansons propres. Mais ça me procure beaucoup moins de choses parce que c'est un peu trop propre quoi. Ouais. J'aurais voulu le rouler un petit peu dans la boue, le ressortir et la faire ah ouais d'accord. D'accord. Le traîner derrière un V8. Par exemple. Ouais. Là ça aurait été bien crâneux. Et toi t'as bien aimé? Je vais pas dire que j'ai bien aimé. Mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, si ça passe dans une playlist. Je laisse le morceau filer et puis voilà quoi. Ouais, mais justement, du coup, normalement, le genre de super groupe, c'est censé un peu plus attirer l'œil quoi. Tu vois, genre t'arrêtes. Oui, mais il faut déjà être fan à la base de des membres. Ouais, je sais pas. Je pense que normalement, ils ont. Enfin. Je sais pas, je pense qu'il y a une autre vocation. Je pense qu'il manque quelque chose au groupe, moi. Ouais, ouais, mais tu vois, on parle de super groupe comme. Les deux derniers que. The Legend of Sigulman et. The Legend of Sigulman et Killer Be Killed. Justement, il y a deux membres de Mastodon dans. Bah c'est, les deux m'ont plus arrêté quelque chose, justement. Les deux m'ont plus. Ah, tiens, il y a quelque chose ouais, à Killer Be Killed, c'est quoi c'est Pultura, Dillinger Escaplane, Mastodon, entre autres. Déjà, à la base, c'est pas de la musique. C'est vrai, c'est pas le même style. Et voilà, c'est pas du tout le même style, quoi. Là, les mecs, c'est des vieux de la vieille qui sont plus posés musicalement, je pense. Ils ont roulé leur boss, quoi. Voilà. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, en même temps, Mike Portnoy, il a aussi. C'est lui qui a fait la batterie sur l'album Nightmare d'Avenged Sevenfold, donc il aurait pu être un peu. Oui, bah, en même temps, c'est assez carré aussi, ouais, mais... Sevenfold, quand même. Hein, c'est vrai. Il n'y a pas trop de côté. Voilà. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est moi. Moi, je soupçonne, moi, ces gens-là. D'être propre. Ouais, c'est ça, d'être trop propre et de pas faire partie d'un vrai groupe. Du coup, tu. Comme les Kids United. Tu le mettrais où alors? Le groupe? Je le mettrais au four. 220. 15 minutes? 17 minutes. Une chaleur tournante ou pas? Oui, bah oui, parce que ça. Bah, faut en avoir un. Moi, j'en ai pas, tu vois. Donc, Bah, moi, j'en ai un. Bah, je mets 25 alors, pour être sûr. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Très bien. Ok. Et sinon, sur quelle scène tu le mettrais? Bah, en main stage. Mm-hmm. Hein, forcément. Forcément. Ouais, forcément. Ou forcément. Ouais, je sais pas. L'heure. 18h. 23h58. Ah, 18h, tu vas vraiment pas lâcher le truc. Non, je pense que je tiens à mon truc là. Il y en a forcément un qui va tomber. Bah, peut-être, qui sait. Bah, au bout d'un moment. Que veux-tu que je te dise, bah voilà. Et puis c'est là que c'est un des tiens qui tombe à 18h. Et bah bim. Ah voilà. Bah moi je vais parler de Incendiary, qui est un groupe américain de punk hardcore de Long Island à New York, qui est actif depuis 2008, qui a sorti 3 albums. Et bah, qui est totalement efficace dans leur punk hardcore avec quelques... Comment je pourrais dire ça, quelques notes autres que le punk hardcore, quelques notes heavy, quelques notes trash et quelques trucs que j'ai vraiment apprécié. Alors, j'ai beaucoup plus adoré leur... carrément adoré, je m'enflamme. Incendiary, je m'enflamme. J'ai beaucoup plus aimé le second album, qui est à savoir Cost of Living. Le premier album est très bon et le dernier, Thousand Mile Star, est très bien aussi, mais le deuxième est vraiment, vraiment, m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pas beaucoup plus d'infos sur le groupe, mais c'est propre et carré dans le côté punk hardcore parce qu'il y a l'énergie. La voix du chanteur est très bien posée sur ce qu'il a à faire et tout ça, mais et non, c'est un groupe efficace, très, très bon. Mmh. Très très bon groupe. C'est un peu l'idée hein, justement du punk hardcore, quoi. C'est de foncer droit dans le tas. Ouais, mais là il y a vraiment des moments où même les mélodies m'ont plu, tout ça. Des mélodies carrément. Ouais, non, vraiment, c'est pas justement du vieux punk hardcore qui va rentrer dans l'art. C'est il y a une recherche et tout. J'ai vraiment, parce qu'en fait, plus ça va et plus je me rends compte que moi il y a vraiment la mélodie qui est importante, musicale, qui a son importance et que des fois ça peut, alors comme tu le dis si souvent, le chanteur peut venir tout niquer ou tout amener plus haut. Mais en fait, je me rends compte que des fois, une bonne mélodie, ou si musicalement ça tient la route, je peux arriver à faire un peu abstraction. Là, j'ai pas eu besoin, c'est dans le même délire. La voix est bien placée comme il faut, même si elle est un peu éraillée, un peu au son punk hardcore, mais il y a même un petit peu des côtés metalcore, je trouve, de temps en temps, qui viennent s'ajouter. Enfin, pas trop, alors peut-être plutôt trashcore, je dirais. Même si trashcore, c'est un peu... Je suis pas sûr que ça soit officiel comme truc. Eh ben lance-le. Eh ben je le lance. Donc ouais, c'est un mélange entre le punk, hardcore... Le trash et le corps. Ouais. C'est un mélange de corps. Moi, il y a du corps, quoi. Il y a énormément de corps. Est-ce qu'il y a du bouquet? Il y a un petit fumé. Donc, non, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Alors, étonnamment, leur musique n'est pas du tout à l'image de leur logo. Qui c'est est... un petit chaton ? Non, c'est un cercueil dessiné seulement. Ah oui, d'accord. Alors que pourtant, les pochettes d'albums, regarde celle-là, elle est plutôt stylée. Ah, mais ouais, j'ai vu ça. Ouais. Non, et c'est vraiment, cet album-là est très très sympa. Mm-hmm. Je te ferai écouter un titre tout à l'heure pour voir, et tu me diras, oh, mais c'est pas du tout ce que t'as dit. Ouais, mais je suis fatigué. Voilà. Donc, je dirais Warzone, hein, parce que bon... Quoi d'autre ? Ouais, il y a peut-être des groupes de hardcore qui peuvent passer en main stage aussi. Hein. Ouais, mais qui va se risquer à ça ? C'est-à-dire qui va prendre le dire « Oui, tu es en train de passer là ?» Donc je dirais Warzone. C'est un groupe quand même assez récent. 18h. Non. J'ai aucune idée de leur popularité, mais je dirais un petit 11h. Ah ouais. 30, ouais. Ouais. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai pas peur d'aller au bout des choses. À toi, mon ami. Oh, oula. Ouais, j'ai dit le mot ami, ça fait bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Je me permets des choses. Alors, du coup, j'ai eu Mangarm, folk metal suédois. Le mécalage. C'est ça. Originaire de... Norvège. Suède. Nortal. Voilà, qui est une ville de Norvège. Ah, moi j'y étais quand même. De Suède, pardon. Oh, je me mélange les pinceaux. Il y en a que deux. Norvège et Suède. Qu'est-ce que tu prends la tête? Ah, je parle de ville. Ah oui, pardon. Il y a le Danemark. Tout à fait. Qui a dit le contraire? Ouais. Moi, j'ai pas dit le contraire. Ah ouais. Donc, ils sont actifs depuis 95. Ce qui est bien, déjà. Le nom du groupe fait référence au loup Managarm. Squelette Attiche. Il y avait une dracar, des vikings, des haches. C'est ça. Voilà. Tout y est. C'est un package complet. Ça chante fort et il y a de la double pédale. Voilà. C'est vrai ? Tout simplement. Donc je disais tout à l'heure que le nom du groupe faisait référence au loup Managarm. Donc il y a Scolette et Alti, qui sont deux loups. Deux loups. Voilà. Qui, au moment du Ragnarok, dévore la lune et le soleil. Oh merde. Ah, c'est quand même pas des petits loups, quoi. Non, c'est pas les petits loups d'Orinès, ça c'est sûr. On a les références qu'on mérite, j'ai envie de te dire. Ah bah, quel gosse. Donc, dans la mythologie nordique, le Ragnarok renvoie à une fin du monde prophétique, comprenant une suite d'événements, dont un hiver de 3 ans sans soleil. Et ouais, mais t'imagines, il n'y a rien qui pousse. Mais j'ai pas une tomate, rien. J'avais pas prévu ça. Ah ouais. Je veux dire, bah non. C'est vrai. Et bah voilà, maintenant tu sais. Moi j'étais voir Thor Ragnarok. Ça n'a rien à voir. Pousse pas du tout ça. Non, Ragnarok, c'est la fin du monde, mec. Oui, c'est ça. Je me mouche. Voilà. Suivi d'une grande bataille sur la plaine chialer, de Vigrid. Odin, Thor, frère, Hermal et Loki. Les géants et la quasi-totalité des hommes y mourront. Une série de désastres naturels. Le monde sera submergé par les flots et détruit par les flammes. Et moi qui allais dire, t'entends, il y a du vent dehors. Ça doit être là. Ça doit être c'est Ragnarok qui arrive. Ah merde. Eh ouais, mec. Et il y a tout ça dans le groupe. Eh ouais. Oh bah, c'est la fin du monde. En fait, t'étais un petit peu court quand t'as résumé ça, sachant de fort et de la double pédale. Bah, c'est ça. Fin du monde, ça sonne fort, il y a de la double pédale. Voilà. Ah oui, j'aurais dû peut-être dire. Bah ouais, parce que. Mais c'est ça. Ouais. Du coup, au final, Mangard, ça chante fort. Et il y a de la double pédale. Mais du coup, t'as pas aimé. Non. Alors, le peu que j'ai écouté, bah ça m'a pas non plus. Non, ouais, mais bon. Non. Autant des fois, le certains pagans, tout ça, ça peut passer, tu vois, ouais. Vraiment. Mais là, non. Bah, j'ai pas assez écouté, mais le. Vraiment, oui. Non, j'ai écouté 2 ou 3 titres et franchement. Ah, t'as été loin hein, déjà pour. Ouais, enfin, j'ai écouté 2 ou 3 titres. Comme ça. Oui, voilà. Oui, d'accord. En fait, c'est peut-être un demi. 2 ou 3 morceaux de titres. Voilà, c'est ça. 2 ou 3 secondes de titres. Eh ben écoute, merci pour cette petite page historique de la Norvège. Eh ben. C'est tout naturel. Et retrouvez-moi sur, sur mon podcast annuel, surtout sur la Norvège, où je parle de double pédale et de mecs qui chantent. Mais merde, pourquoi tu grilles l'épisode de Noël de l'année prochaine? Ah, merde. Mais ils s'en rappelleront pas. C'est vrai. Ils écoutent pas jusque-là. En plus, de toute façon, ça fait combien de temps? Oh là là, mais tu es tellement. Allez, pif, combien tu dirais? Allez, je sais pas, on était à 30 minutes tout à l'heure, je dirais 1h07. 1h12. Oh, presque. Presque. Alors, ça joue où, Mangard? Moi, je dirais que ça jouerait bien sur une plaine. Ouais. Où il y a deux loups qui mangent la lune et le soleil. Ouais. Voilà. À midi 30. Alors, midi 30, on a l'heure. Qu'est-ce que je dirais bien? Je piffe Altar Temple. Altar, ouais. Moi, j'aurais dit le temple. Oui, mon pote. Je dis n'importe quoi. Je vais passer à Backyard Babies parce que j'ai envie de m'en débarrasser de ce truc. Alors. Oui, vas-y. J'ai le droit. C'est du groupe hardcore. Non, c'est un groupe de hard rock et punk rock suédois. Ah, j'ai vu. Oh, c'est pas du tout punk rock. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est un groupe de poseurs, je suis désolé. Non, mais grave. J'ai marqué poseur, ils posent. Hein. Mais c'est que ça. Et ça se sent même dans la musique, en fait. Parce que j'avais d'abord écouté. Leur tronche, ça se sent. Ah, non, mais quand tu vois pas leur tronche et que t'entends que la musique. Ouais, mais. Bref, ils sont originaires de Nashville, formés en 87. Et le seul point intéressant de toute cette putain d'histoire, c'est qu'il est composé à l'origine du guitariste Dregen. Dregen est le surnom d'Andreas Tyrone Svensson, plus connu pour être le membre fondateur des Helicopter. Ah, d'accord. Ouais, en fait, tout ça, c'est QHM, ça mange la même cantine. Exactement, les Illuminettes. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes doigts, ça avait pas de. Ouais, je pense que. Non, voilà. Donc, c'est un groupe de poseurs, je pense. Alors. N'y voyez aucun côté péjoratif, mais genre, je pense que ça va plaire aux filles. Parce que ça se la joue un peu comme ça quand même. Hein. Ça fait des mecs qui essayent genre de plaire à des filles avec des bandanas sur la tête et puis des looks surjoués à mort. C'est ça. Un peu à la Johnny Depp. Après, musicalement, ça s'écoute, mais ça s'écoute dans. Pas, on n'est pas obligé. C'est-à-dire on peut... Ouais, si. Dans le trou des chiottes. En fait, si on devait faire un comparatif... Ah, bah, si, Dans le trou... The hole... Ah oui, bah, c'est ce que j'allais dire, en fait. Si on faisait une comparaison, justement, avec le groupe d'année dernière... merde, toi aussi, t'as... Ouais, j'ai un trou. Ah, merde. Steel Panther. Voilà, avec Steel Panther, qui est aussi un groupe, entre parenthèses, pour les filles. Et ben, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant, musicalement, car on a tous été un peu surpris, hein, par Steel Panther, quand on a écouté, on a fait... Oh, la ouais, page, c'est vrai. Mais là, c'est, bah, dans le style, c'est efficace, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus hard rock que punk rock suédois. Ou alors, le punk rock suédois, c'est du hard rock. C'est totalement hard rock, ça rappelle un peu certains Aerosmith, certains trucs, mais dans la facilité. Si je me trompe pas, Milan Collin, je crois, c'est du punk rock suédois. Il joue du punk. Ah, bah là, c'est pas du tout punk. Hein. Bref, en fait, ça m'est arrivé pendant mon écoute d'avoir laissé plusieurs titres passer, en fait, au bout d'un moment, de zapper, parce que j'avais vraiment l'impression de voir les mecs en train de poser pendant qu'ils jouaient, quoi. Donc ça m'a un peu... Ça m'a rappelé les pires périodes de Bon Jovi, et croyez-moi, ouais. Elles étaient sombres. It's my life, the need of it. Alors, Backyard Babies, bah, forcément, main stage, hein. Un petit 15h30. Ouais. Vlatipa, que mesdames se maquillent. Alors, bien sûr, c'est pas du tout péjoratif, hein, quand on dit ça. Hein. Non, c'est pas, je trouve pas. Je pense qu'on peut le dire sans être misogyne, justement. Oui, tout à fait. Parce que j'ai juste du mal à voir un mec fan de Backyard Babies. J'adore trop ce qu'ils font. Je serais curieux. Ouais. Mais voilà, après, c'est comme s'il y avait des filles qui disaient oh, on aime trop. Non, j'allais dire des commentaires. Alors, continuez. Alors, vas-y, à toi. Parce que j'allais m'enfoncer. Qu'est-ce que j'avais d'autre, moi? Attends. T'avais des groupes de musique. Oh, si, j'avais Duncum. Mmh. Ah, ah. Qu'est-ce qu'on dit? Cocorico. Cocorico! Et ça, déjà, c'est bien. Oui. Mais si. Si. Ah, si, c'est formidable. Merci. Ah, que dire, la joie et l'allégresse dans mon petit cœur. Voilà, c'est du hard punk hardcore français, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je me trompe pas. C'est bien ce que tu m'as dit de dire. Ils ont 4 albums, si je me trompe pas. C'est ce que tu m'as dit de dire. C'est bien. Voilà. Bah voilà. J'ai eu le malheur, en fait, moi, de regarder les clips. C'est comme ça que j'ai su qu'ils étaient français, moi. Oui, bah oui, ça se voit beaucoup. Hein. Bah c'est pour ça, en fait. Moi, je... Les gars, on n'a pas de leçons à vous donner, hein, parce que franchement, on est mal placé, mais bossez votre image. Ouais, c'est clair. Mais voilà, quoi. Bon, alors j'ai essayé de nuancer un peu. musicalement, ça tient la route, je trouve. On retrouve un petit peu... En fait, faut le savoir que c'est un groupe français quand t'écoutes. Parce que c'est quand même plutôt bien camouflé. Derrière le style, mais vraiment c'est vrai que vos clips vous desservent un petit peu. Alors c'est un peu nul de parler de clips quand on parle d'un groupe, mais là ça vous dessert un petit peu, parce que Edune, on reconnaît tous les vieux bleds de la campagne, vu qu'on habite au... j'ai l'impression qu'ils sont à côté de chez nous, en fait. Bah ouais. Et alors effectivement, pour le coup, ils ont pas joué la carte du punk hardcore. Ah, pas du tout, non. Et bah faudrait peut-être la jouer un peu plus. Ouais, ça colle vraiment avec le son, quoi, c'est surtout ça. Bon, parce que là, ça collait pas du tout, quoi. Moi, j'avais écouté avant de voir, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et justement, je m'étais dit, putain, ça va te faire plaisir, c'est un peu dans les trucs que t'écoutes. Mais toi, l'image t'a tué. Ah bah, totalement. J'aurais pas dû regarder le clip, en fait. T'aurais pas dû regarder le clip. Bon, bah écoute, sans pis, est-ce que tu sais d'où est-ce qu'ils sont, ces jeunes, petits jeunes? Pas du tout. Très bien. Je vais quand même regarder, parce que, ça, quelque part, ils sont français, c'est un peu des amis. Oui, bien sûr. Nous, on est là pour défendre... Oui, tu sais, après... On est tous des amis. J'ai pas besoin. On est une grande famille. J'ai pas besoin de plus d'amis. Hein. C'est bon, j'en ai assez. Je crois. Ouais. Tu sais pas non plus combien ils ont d'albums. Attends, j'ai vu. Attends, j'ai vu. Parce qu'ils ont l'air d'avoir plein de trucs. Hein. Je crois qu'ils ont. Ils doivent avoir 3 ou 4 albums, je crois. D'accord. Avec pas mal d'EP. Je crois qu'il y a 4 albums, non, c'est pas ça? J'ai pas le truc. Non, t'étais en train de regarder, quoi? Bah, je voulais regarder, mais j'ai pas... j'ai pas les infos, bah tant pis. Bref, eh bien écoutez, Bah, allez écouter Bunkum. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Bob a pas aimé. Allez écouter, hein, n'allez pas voir. Voilà. Moi j'ai trouvé ça efficace dans le style et puis voilà. Très bien. Est-ce que tu as une idée de où ça va jouer? Non, bah si, mais c'est en Warzone le matin, c'est bon. Ouais, je vais mettre ça en Warzone le matin. Est-ce que tu as une heure peut-être? 18h. Parfait, je le marque. Ok, très bien. Alors, moi. Alors là, j'arrive sur deux groupes intéressants pour moi. Ah, d'accord. Donc, je vais commencer par Cataclysme, qui est un groupe de black et death metal mélodique canadien originaire de Montréal au Québec. Et tu sais, comme j'aime beaucoup le Québec. Bah, bien sûr. Il est formé en 91 et enregistre en 92 une première cassette démo. Les mecs, déjà, moi, je respecte. Bah, la cassette. En 2016, le groupe compte un total de 12 albums studio, 3 démos, 2 EP et 2 albums live, mais ça, on s'en fout. Donc, le point intéressant, en fait, de Cataclysme, et c'est là où je t'en avais parlé un petit peu avant l'enregistrement, en fait, c'est que dans ma technique d'écoute, j'écoute un peu tous les albums. Et en fait, ce qui est très, très marquant sur ce groupe-là, c'est qu'au début, il commence en black metal, assez traditionnel et pur, dans le sens vraiment... ce qu'on nous on aurait tendance à un peu appeler inaudible par certains côtés, le côté de la voix du chanteur et la musique. Et en fait, leur évolution vers le death metal arrivait que leur dernier album, je le trouve génial. Je l'ai écouté plusieurs fois au cours de cette semaine et je l'ai trouvé vraiment bien. Et dès que je réécoute les premiers albums, par contre, je décroche totalement. Normal. C'est pas pour moi. Et donc, j'ai trouvé ça... En fait, je trouve ça intéressant de voir un groupe qui a... Je trouve ça intéressant de voir où ils en sont arrivés aujourd'hui. Après, pourquoi et comment ils en sont arrivés là, ça je ne sais pas. Je ne sais pas non plus quel est leur registre. Les aléas de la vie. Non, mais quel est leur registre aujourd'hui de titres en live par exemple. Est-ce qu'ils rejouent quand même des anciens titres ou pas? Parce que moi j'ai regardé un live vite fait, il y avait des titres plutôt récents et surtout ils avaient un look plus death metal que black metal. Même si maintenant il y a beaucoup de groupes de black metal qui n'ont pas forcément le look. C'est vrai que ça s'est démocratisé pas mal, ça aussi. Ouais, vachement. Ce qui est bien, d'ailleurs, je trouve. Bah, en fait, oui, il y a vraiment, dans le black metal, plein de sous-trucs assez intéressants. Je trouve que, justement, les looks ont pas évolué, mais sont plus posés sur, dans le death que dans le black. J'ai plus l'impression que dans le black, vraiment, le look est très respecté, quoi. Il y a quand même 2-3 évolutions, hein. Ça a un peu changé. On n'est pas forcément obligé de rentrer, je pense, dans les... En fait, il y a deux... Dans les clichés, tu veux dire? Ouais, non, mais je veux dire, il y a vraiment deux types de black metal, apparemment. Il y a les trous, les vrais, qui veulent rester dans le son dégueulasse, la voix un peu dégueulasse et, et l'imagerie dégueulasse. Et il y en a d'autres qui essayent d'évoluer vers aller vers un autre truc. Et ça sera justement le cas de mon dernier groupe. Oui. En tout cas, Cataclysme est pour moi le bon groupe de cette semaine. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai écouté. Et je trouve ça assez intéressant, ce groupe qui a su évoluer au long de sa carrière. Et je me demande justement quelle va être la suite. Après, du coup, c'est toujours paradoxal parce que peut-être qu'ils ont arrêté de faire du black quand ils ont vu que le black marchait pas ou pas, je ne sais pas. Donc, ce serait plus. Ou ils avaient peut-être envie de. De changer ? Ouais, non, peut-être. Ou ils ont peut-être mis à faire du black quand c'était à la mode et puis ils ont vrillé au moment venu. En tout cas, Le prochain album sera du punk rock suédois ? Peut-être. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Cataclysme et je le recommande. Et je pifferai un Altar. Parce qu'on va jamais à Altar. Du coup, je le mettrai vers 18h. J'aurais dit Temple là. Non. Parce que j'ai dit Altar tout à l'heure, tu me dis la même chose. Ouais, bah je sais, mais il faut bien. Ça fait 2 fois Altar, hein. Écoute, je mettrai peut-être Temple pour le dernier. À toi pour ton dernier groupe. Bah, en fait, moi, c'est fini. Voilà, t'en as encore un. Bah ouais, enfin là ça fait 7 du coup. C'est pas grave. 6. Mais oui, mais c'était ton groupe. Ah bon, Exécuteur. Ah, est-ce que. Bah. Et re-Cocorico. Cocorico. Cool. Voilà, voilà. Donc j'ai pas le paplard parce que je l'ai fait. Ah merde. Je l'ai fait tout à l'heure, du coup c'est une feuille volante. J'avais pas mal de trucs en plus. Ah ouais? Ouais. Bah comme quoi. Est-ce que tu veux en reparler la prochaine fois? On peut, hein. À la rigueur, ouais. D'accord. Ouais, comme ça je vais approfondir plus le sujet. Alors, j'ai écouté, pour tout dire, j'ai à peu près écouté 18 minutes de l'album. Quand même. Ouais. Grosso merdo, parce que j'ai écouté un morceau qui durait 8 minutes. Ah, les bêtes. Et un autre qui durait. En fait, j'ai écouté les 3 ou 4 premiers morceaux de l'album. D'accord. d'un album, je ne sais plus trop. J'ai pas trop approfondi le truc. Donc ouais, je préférerais qu'on en parle la semaine prochaine. Très bien, bah je suis d'accord. Est-ce que tu as eu la news? Parce que moi je l'ai vu sur leur page Facebook. De Exécutor? Ouais. Non. Je la garde pour la semaine prochaine. Bah avec... Très bien. Bon bah je vais passer à mon dernier groupe. Alors, Shamash. Ah, et Shamash. Moi, Shamash pas mal. Donc c'est un groupe suisse. Ah, c'est pour ça. Ouais, qui a dû sortir. Alors, je voudrais pas dire de conneries parce que j'ai rien noté sur ce groupe parce que je l'ai écouté justement avant de venir plusieurs fois. Il y a quelques particularités ce groupe. Donc, c'est un groupe de black metal, clairement un groupe. Mais apparemment, ils sont très portés sur le fait du respect de l'art, d'avoir un sens dans ce qu'ils font, que tout est calculé, réfléchi. Mais vraiment, voilà, c'est le groupe parfait pour moi du coup. Oui, donc ils ont dû sortir 4 albums, mais la petite particularité, c'est à savoir que leur deuxième album, Contradiction, était un double album. Et qu'après, ils ont sorti en 2016 un triple album. Et en 2017, forcément. Non, un album normal. Mais par contre, leur triple album, il a que 16 titres. Donc, c'est réparti, je ne sais pas comment. Alors, le truc marrant, c'est que moi, j'ai écouté d'abord leur dernier album, donc celui de 2017, qui a que 7 titres. Mais pourtant, il y a quand même 2-3 moments où je me suis dit, c'est mou, ça me plaît pas. J'avais même des, il y avait même pour moi genre des chants d'église à un moment donné. Enfin, le black metal, comme j'aime pas trop. Mm-hmm. Et après avoir été écouter leur triple album Triangle, et là, j'ai adoré. Musicalement, je trouvais ça top. Il y a vraiment, j'ai pas tout écouté, mais le peu que j'ai écouté quand même un album et demi. Sur 3, c'est pas mal. J'ai trouvé ça très très bien et vraiment en fait intéressant dans leur approche du black metal. Je l'avais déjà un petit peu senti dans le dernier album de 2017, donc The Maldoror Chant Hermaphrodite, qui apparemment il y a une adaptation d'une œuvre littéraire dedans, mais je suis pas sûr de, donc je voudrais pas dire de conneries. Mais c'est vraiment, on sent en tout cas quoi qu'il arrive que c'est un groupe qui essaye de faire quelque chose de réfléchi et de sensé, et qui se contente pas juste d'avoir une étiquette de black metal dessus en fait, juste pour faire pour surfer dessus en fait. Ils ont vraiment passionné musicalement et profondément par ce qu'ils font, et c'est intéressant à écouter en fait. J'ai vraiment, il y a eu des moments où j'ai bien aimé ce que j'ai dit, malgré que le chant soit vraiment du chant de black et que au premier abord c'est pas du tout pour moi, mais j'ai bien aimé. Ça me rappelle un petit peu ce que j'avais découvert l'année dernière avec le groupe de black metal que j'avais bien aimé et dont j'ai oublié le nom. Voilà, mais en tout cas j'admire ton optimisme hein, parce que franchement Ah non, mais vraiment, c'est intéressant. Hein. J'ai envie d'écouter plus et même d'aller m'intéresser à pourquoi ils font les choses, quoi. Hein? En plus, c'est des Suisses, donc techniquement, je parle la même langue à quelque chose près. Ouais, à quelque chose près, ouais. 2-3 trucs, quoi. Une horloge, de chocolat, c'est bon. Oh, des ricolas. Ah non, je l'avais pas, celle-là. Ah là là. Quoi, des clichés? Ouais. Ha. Bah, pas un photographe, en même temps. C'est pas mal. Non, vraiment, je recommande ce groupe également, hein, vraiment. Ouais. En tout cas, moi, j'ai envie d'approfondir pour ma culture personnelle. Par contre, c'est de la... Attends, non, c'est juste dégueulasse ce que tu dis. Pourquoi? Ouais. Mais non. Non, en fait, c'est parce qu'en fait, s'il y a un point que j'ai oublié de, c'est que j'ai pas du tout envie de les voir en live, par contre. Ouais. Parce que c'est trop du black metal d'ambiance. Donc c'est, à mon avis, il doit y avoir vraiment des. Dans un ascenseur, un truc comme ça. Pourquoi pas? Non, mais ça sent le enfin. C'est pas ce que j'ai envie de voir en concert, parce que ça doit être un concert où tu bouges pas et que tu dis ah d'accord, c'est une cérémonie occulte ou un truc comme ça. Peut-être que les gens écoutent assis. Peut-être. Tu sais, c'est le seul truc où au Hellfest les gens se lèvent pas. Ouais, c'est assis les gars d'ailleurs. Non, en tout cas j'ai bien aimé, mais en deux temps. Au début non, et après j'ai fait ah oui, il faut aller plus loin en fait. Toi, je me tue pas. Voilà, mais c'est du black metal et je peux aimer le black metal. Ouais. Du coup je tout je est possible. Je dirais qu'ils vont jouer au temple. Ah, merci, la vie. Et je pense, parce que j'ai quand même vu pas mal de bons retours sur leurs albums, un petit 20h. Ouais, j'ai pas peur de... Voilà. Bah écoute, je crois qu'on manque de groupe du matin quand même. Non, on en a fait pas mal la dernière fois. On en a fait du matin. Ouais. On est à 1h28. Qu'est-ce que tu dirais de tirer les nouveaux groupes et de se casser. Enfin, pour moi, parce que comme on est chez toi, toi tu dois rester. On fait ça ? On fait ça. Très très bien. Donc, je prépare un Google Doc pour l'épisode 14. Zach. Toujours prévu la semaine prochaine ou tu veux le mixer On en reparle. On en reparle. Non, on s'épile, on se fait une douffe. J'ai pas d'avis là-dessus. Non, bon, après. T'as pas besoin d'avoir un avis? Pas forcément. Très très bien. Épisode 14, saison 1. On tend. J'ai pas été au bout, t'as vu? Ouais, non, c'est bien. Alors, on commence par toi. Alors. Il est vrai qu'il y a du vent. Oh, j'ai cliqué sur suivant. Bon, bah, on commence par moi. Young and in the way. Ok. Est-ce que tu veux au fait que je fasse des playlists? Parce que moi j'en fais pour. Je fais les deux playlists, la tienne et la mienne, mais est-ce que. Non, je me démerde, t'inquiète. D'accord. Bah, suivant. Je gère mon truc. Clic. Oh, Turbo Negro. Qui ont d'ailleurs sorti une nouvelle chanson cette semaine et j'ai oublié de le mettre en news. Ah ouais? Ouais. Tu me balanceras le doc par contre, parce que je crois que tu me l'as pas balancé le. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Attends, je le partage maintenant. Et tout ça est fait en direct, hein. Eh ouais. Pour nous. Bah oui. Enfin, vous voyez vraiment comment ça se passe à Rotwell Fest. C'est tellement que ça en plus. Bah ouais. Ouh là là, Lord of Atalmon. Quand moi je suis chanceux, hein, parce que j'ai que des gros. Black metal, death metal. Oh bon. Ah bah, Uncommon from Mars. Eh ben c'est bien. Pour l'instant, tu as des groupes que je connais. Oui bah tu vas quand même faire le plaisir de réécouter. Non, mais oh. Ils ont peut-être sorti des nouveaux trucs depuis les années 80. Je sais que Uncommon from Mars, ils se sont reformés exprès. Pour le LFS, tu as dit Lucifer. Et allez. Lucifer. C'est drôle, c'est de la colle du diable. Ouais, je crois que j'ai écouté ça. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Merde, pour appuyer. Je regarde, je te dis pas. Non, déconne pas. Mémoriam. Mémoriam, tu les notes pas toi? Bah j'ai pas de quoi noter. Tu me balanceras le doc, c'est pas grave. Bah il faut toujours tout faire ici. Bah c'est ça. Mémoriam. Hop. Après je pensais à ça, tu sais, on peut espacer les groupes. Hein. Espacer les groupes. Les émissions. Parce qu'on va vraiment finir de bonne heure les groupes. Je pense, ouais. Bah au pire, on n'en fait pas la semaine prochaine. Non, mais je t'ai pas dit ça. Je dis on peut. Non, mais la semaine prochaine, c'est 18h. 18h, c'est un peu. C'est toujours la merde. Ouais. The Bronx, pour toi. Non, bah c'est plus compliqué à 18h. C'est vrai. Tu vois l'idée? Ouais, après, on peut en reparler. Ouais. Comme tu. Moi, je. Ce qu'on a aux tombes. Ok. Kezako? Saor. Saor. Ça doit être des initiales. Peut-être. Ça doit être des. Oh merde. Oh, mais putain, mais il arrive pas à appuyer sur un truc. La fatigue d'un homme. Jessica 93. Merci la vie. Non. Merci la vie. Je fonds, mais que ouais, le monde, on sait bien, Roger Rabbit, tout ça. Oh, je suis tellement content. Connard. Alice in Chains. Oh, moi, je suis moyen content. Moi, je m'en fous, je connais, j'ai quasiment tous les albums. Ah bon? Ah, donc t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. C'est du grunge. Je m'en fous. J'aime bien Alice in Chains. Moi, je dirais que c'est du groupe de grunge, hein. C'est de la crotte entre les deux pieds. Nordjevel. Oh, je les soupçonne d'être suédois. Ou Nordjevelien. Bah écoute, Nordjevel, voilà, on a nos 12 groupes. Donc voilà, bah on arrête là. Ouais. Et bah écoutez, peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Oh, non, le son monte très fort. Je pense que c'est parce que tu montes trop dans les aigus. C'est possible. Bah donc, peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Peut-être dans 15 jours, on verra. En même temps, s'il n'y a pas beaucoup de news, est-ce que c'est vraiment utile de faire un. Bah voilà, c'est ça. Et puis c'est 18h, donc après. Ouais, non, mais après, pourquoi pas. Tu vois, 18h. On y revient. C'est la merde. Très bien. Eh bien, écoutez, ça fait 1h33 qu'on enregistre. Cet épisode 13 est maintenant terminé. On vous fait à tous des gros bisous. Et on non, vous. Non, ah, d'accord. Vraiment, t'es dur en ce moment. T'es ouais, froid. Ouais, moi, t'es distant. Non, t'as un rock. Ouais. Que dis-tu? Un cap. Péninsule. Ouais, voire une péninsule. Mais parle bien des gens un peu. Des gens. Des gens, ouais. Parce que sinon, moi, je peux très bien dire des choses. Vas-y, balance. Non, j'attendrai que tu sois pas là, parce que tu me fais peur. Tu peux me raser, si tu veux. Ah, bah voilà, comme ça, on sort tous les deux. Très bien. Bon, alors, peut-être la semaine prochaine ou pas. On sait pas. On vous redira ça la semaine prochaine. Oui, ou pas. Enfin oui, du coup, si, on tiendra au courant quand même, on n'est pas non plus des rats. Bah, vous inquiétez pas, on sera sur la page Facebook, Twitter, oui, Instagram. Non, j'ai pas encore quoi. Faut que je le crée ce compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est bon, c'est bon. LinkedIn, parce qu'on cherche un boulot. Ouais. Monster.fr. Bah, du coup, on vous aime. Et on vous emmerde. À très vite. C'était Road to Hellfest. Ouais, c'était Jack. Et Bob. Bisous à tous. Ouais, bisous. Allez, ciao. Bonne nuit. Bon apéro. Bon, ce que vous voulez. D'ailleurs, vous écoutez ça quand? Dites-le nous dans les coms. Ouais, ce serait sympa ça, tiens. Quel est votre moment Road to Hellfest? Est-ce que vous avez un moment Road to Hellfest? Voilà, apéro. Ah, perso, j'ai pas de moment Road to Hellfest. Bah, petit déjeuner. Ouais, le soir, tranquille. Ou pendant que vous faites caca. Ça comme paraît... le rockard. Comme le rockard. Nous, voilà, on juge pas. Tout simplement. Non, ouais. Moi, je serais honoré. Après, un caca de 1h30 quand même, c'est. Non, mais en fait, tu peux faire pause, hein. T'es pas obligé d'écouter. Ah ouais, t'es pas obligé de tout écouter. Ah non, non, moi je fais des podcasts en plusieurs fois. Hein. Ah ouais. Ah oui, quand j'écoute, oui. Ah ouais, d'accord. Bah ouais. Souvent quand je prends une douche. Et t'arrives vraiment à reprendre là où t'es. Bah non, alors selon l'application que j'ai, oui. Et en général, je fais. Ça reprend directement. Ouais, c'est cool ça. Jessica93. La vie est une. Sapristi. Un pépin et on en meurt. C'est vrai ce que tu dis. On prévient pas assez les gens là-dessus. Faites attention aux pépins, les gens. Faites attention.